Et c'est reparti, on est à 2 minutes du prochain match. Cette fois-ci, je suis plus avec Seb qui est rentré chez lui. Il a bien raison, il a bien mérité. Je suis avec JC, ça va JC? Salut, ça roule. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais ça va le faire. Le temps que je me chauffe un peu. C'est ton premier match là maintenant que tu vas voir ce week-end? Ouais, c'est le premier, ouais. J'étais en mode familial, donc il a fallu que je me libère, mais c'est avec plaisir, comme d'hab. On va voir un match très attendu ici entre les Valiant Beaches d'Anglais, donc les joueurs à domicile, et les Porcelain Dolls de Limoges, évidemment, qui ont fait un énorme match hier. Je sais pas si tu as suivi ça. Elles ont joué contre le Sambé, qui était donné gagnant, et elles leur ont mis 35 points. Wow. Après un superbe match où elles ont très vite mis l'écart, et elles ont maintenu cet écart pendant tout le match. Je m'y attendais pas, pas vraiment tu l'attendais, et puis finalement elles ont fait un très très beau match. De l'autre côté, les Valiant Beaches ont aussi fait un très beau match hier contre Pibrac. Pibrac donné largement gagnante, et finalement qui a gagné certes, mais de seulement 7 petits points. Oh bravo. Voilà, les Valiant Beaches qui nous ont montré un très très beau niveau de jeu hier. Donc les deux équipes ont fait deux très beaux matchs hier soir. On rappelle quand même que pour l'instant, en tout cas au début du week-end, c'était les Valiant Beaches qui étaient devant en termes de... En termes de classement, pour être précis, les Valiant Beaches étaient 4e du championnat et 6e pour les Porcelain Dolls de Limoges. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. On sait que les Valiant ont un peu trop tendance à se reposer sur le laurier. On les donne gagnantes, donc elles ont un peu trop tendance parfois à se dire ah ben, c'est bon, on va jouer, on va y aller un petit peu soft. Et ça leur joue souvent des tours. Je vois que tu balances. Ah, je balance, je dis les vérités. Moi, j'ai pas peur de dire les vérités. Alors que Limoges hier a fait un très bon match. Si Limoges fait le même match qu'hier, ben on va assister à deux équipes, à une rencontre entre deux équipes qui ont plus ou moins le même niveau sur le Grand Sud-Ouest. Donc on va voir ce que ça va donner. Les Valiant Beaches d'Anglette contre les Porcelain Dolls de Limoges, c'est dans quelques secondes. Limoges qui se situe en Haute-Vienne. Petite info au passage. Je suis allé vérifier tout à l'heure, j'avais un doute. Je rappelle qu'on est au Pinada, au gymnase de la Pinada anglais, donc surtout il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il reste ce match-ci et encore un autre derrière. Voilà, il y a toujours de bons talons. T'as pas goûté le talon encore toi? Si, ils sont excellents. Est-ce qu'ils sont encore dehors? Oui, je crois. Oui, oui. Ils sont encore dehors. Ouais. Bah dedans, ça enfumerait un petit peu. L'odeur de Shingar perturberait un peu les joueurs, je pense. Mais ils sont très bons, c'est vrai. Shingar, fromage vegan. Il y a même du basket là. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a un petit bar qui est ouvert aussi. Et voilà, on voit les arbitres se mettre en place, les joueuses pas encore, ça se met tranquillement en place. On va commencer dans quelques secondes, voilà. Bon, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu donnes les Valiant gagnantes selon les statistiques donnent les Valiant gagnantes, mais attention, ça peut basculer, les Valiant ont parfois un mental défaillant selon leurs adversaires. Hier ils ont fait un très beau match, j'espère pour elles qu'on va faire la même chose. Cela dit, Limoges a fait un très très très beau match hier aussi. Peut-être qu'elles vont rester au niveau, on verra bien. J'ai interrogé ChatGPT et effectivement les Valiant seront vainqueurs. Combien? Est-ce que ChatGPT t'a donné 120 à 92. Oh, petit score alors. C'est pas mal déjà. Merci ChatGPT. C'est pas mal, je rappelle le match précédent c'était le Bordeaux qui a mis une belle petite raclée, on doit bien le dire, au Sambé avec plus de 130 points d'écart. Et voilà, c'est parti en tout cas ce match entre les Porcelain Dolls de Limoges et les Valiant Beaches d'Anglette. Et c'est double pot pour les Valiant Beaches qui prend le lead. Oh, elle est suivie très très près par Machine. Voilà, allez, double pot qui va essayer d'enclencher. Oh, très joli ces quatre points. Elle a fait un joli saut à l'intérieur. Elle se retourne pour voir s'il faut qu'elle fasse appel, qu'elle colle et qu'elle arrête le jam. Elle a décidé que non. Machine de l'autre côté, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas, est-ce que tu vois Machine? Oui, voilà, elle s'est faite recycler. Ouh, elle a pris un vilain coup là. Aïe, aïe, elle a pris un vilain coup à la mâchoire, Machine, mais elle continue quand même à jouer. Double pot s'est faite recycler aussi. Je pense qu'elle a quand même engrangé quelques points, mais on verra ça. Machine qui a failli passer. Machine qui était vraiment à deux doigts de passer. Et ça y est, Machine qui passe, qui met ses 4 premiers points, je crois. Ah non, non, non, non, non, non, elle va en prison pour une durée de 30 secondes. Et double pot qui, je crois, à force de ne pas passer, a fini par coller. 3 points chacun, je crois. 3 points. Et bien, on démarre sur un jam nul. Et les périodes de jeu, on rappelle, sont de 2 minutes. 2 minutes maximum, c'est ça, maximum. Exactement. Sachant que la première des deux jameuses qui dépasse pour la première fois les joueuses adverses peut arrêter quand elle veut. C'est ça qu'on appelle le lead. Exact. Et ça donne un énorme avantage. Il faut absolument récupérer le lead si on veut gagner un match. Pour l'instant, 3 partout sur ce premier jam. Je rappelle que quand on dépasse toutes les joueuses adverses, on gagne 4 points. Et c'est Sacha Furious qui prend le lead sur ce deuxième jam. La numéro 7 des Valiant Beaches. Face à Machine encore ? Machine qui rejoue ? Oui. Non. C'est pas Machine ça. Attends, où est-ce qu'elle est ? Je ne la vois pas. Je ne vois pas les entendre tenter un star pass. Non, Machine qui est en prison. Ah, il y a un beau duel. Oui. Machine qui est en prison et donc les Valiant Beaches qui commençaient en power jam. Machine qui revient de prison. Aïe aïe aïe, Sacha Furious qui a fait une faute et qui va en prison. Machine qui profite du brouhaha, on va dire, sur le terrain pour faire son passage initial. Alors qu'elle est en power jam à son tour. Allez, on rappelle le power jam. Le power jam, c'est très simple. C'est quand une des deux jammeuses est en prison, l'autre, du coup, a toute la latitude et tout l'appui de son équipe pour passer plus facilement. Pour pouvoir marquer ses points. Gasoline qui va en prison, bloqueuse des Valiants. On est à 3 contre 5, les Valiants qui commencent à faire un peu trop de fautes déjà. La prison, c'est 30 secondes. Le chrono part au moment où on s'assoit, où on pose ses fesses sur la chaise. Et Machine qui repasse, Machine qui fait un beau jam. Et pour l'instant, on est à 8-0. Et Sacha Furious qui avait le lead l'a perdu en allant en prison. Par contre, ce n'est pas récupéré par l'équipe adverse. Personne n'a le lead. On va jusqu'au bout des 2 minutes. Ça bouge beaucoup hein, depuis le début, je trouve. Ouais. C'est bien, il y a du mouvement. Ça se bagarre. Sacha Furious qui se fait recycler. Machine qui passe et qui est à 12 points, je crois. Allez, retour de Gasoline sur le track. 12 points pour Machine. Sacha Furious qui n'a toujours pas mis. Très beau jam pour Sundolls qui commence très bien ce match. 16 points pour les Porcelain Dolls. Elles prennent leur avance. Il y a un coup dur pour les Valiant Beaches. 19. Il y a eu un petit modif. 19-3 pour les Porcelain Dolls. Oui, sur le général, mais 16-0 pour l'instant sur ce jam-là. Oh là là, Machine qui passe beaucoup trop facilement. Il n'y a aucune défense du côté des Valiant. Ça y est, ça, Sacha qui a mis 4 points, je crois. Il n'y avait pas de bloqueuse sur ce coup. Ah ouais, là, bloqueuse inexistante du côté des Valiant. 20-4. Un très très beau jam pour les Porcelain Dolls. Qui prennent comme ça leur avance, qui passent devant les Valiant et qui prennent leur avance. 23-7 au score général. Et ben c'est un bon début de match pour les Porcelain Dolls qui font un joli jam à 20 points. C'est quand même assez rare. Je rappelle que le record du week-end, c'est Sacha Furious qui l'a avec 24 points. Elle a fait ça hier soir face à Piracuse. Joli. C'était très très joli. Et c'est la seule qui est arrivée aux 24 points sur ce week-end. Donc 20 points, voilà, c'est vraiment un très beau score. Partie, elles étaient dans la zone d'engagement. On a Bloody Roostek du côté des Valiant face à Stellar du côté des Porcelain Dolls. Bloody Roostek qui se fait recycler par Nadmax qui décidément est un mur quasi infranchissable. Allez, le recyclage du côté des Valiant Beaches aussi. Bloody Roostek avec la sueur comme assist. Les deux packs sont en place. Et ça se recycle, ça n'avance pas beaucoup. Je cherche leur place. J'ai l'impression que les deux équipes ont misé sur la défense. Et ça y est, Bloody Roostek pour les Valiant Beaches qui passe enfin. Et ça sort pour les Valiant. Au bout de 40 secondes, elle prend le lead. Bloody Roostek pour les Valiant. Ça y est, derrière, c'est suivi par Stellar. Bloody Roostek aura le temps de faire un boom track, je pense, c'est-à-dire mettre 4 points et faire appel. Non, elle continue. Non, il y a faute, elle était sortie, je pense, et elle a continué. Ce que, évidemment, elle n'a pas le droit de faire. Elle va donc en prison et donc c'est un power jam pour Limoges. Deuxième power jam pour Limoges en moins de 5 minutes. Et attention à ces fautes, Valiant Beaches. On rappelle le lead. Hein. Le lead, c'est la première jameuse avec son petit bonnet étoile. Ouais. C'est la première qui passe le pack, qui a le fameux lead et qui peut donc arrêter le jeu quand elle le souhaite. Exactement. Et qui marque les points. C'est ça. Et sur son premier passage, elle ne marque pas de points. C'est seulement à partir du deuxième qu'on commence à marquer des points. C'est vrai que c'est pas forcément facile à regarder quand on ne maîtrise pas les règles. C'est pour ça qu'un petit rappel, c'est toujours sympa. Voilà. Heureusement, si vous êtes dans les gradins, regardez le tableau des scores. Il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Bloody Roostek qui est sorti de prison. 23-7. Heureusement, les Valiant Beaches ont bien défendu et le power jam qui était accordé au Porcelain Dolls n'a pas eu beaucoup d'effet. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, Bloody Roostek qui repart en prison quoi. Combien de temps elle a tenu ? 7 secondes ? Je pense pas loin. 7 secondes avant de repartir en prison, Bloody Roostek qui s'en veut, visiblement. Elle s'en veut. Attention, les Valiant commencent déjà à avoir pas mal de fautes au compteur. Hein. Ouais, est-ce que c'est les secondes de la prison qu'on voit en bas à droite sur le panneau en ce moment ? Probablement. J'ai l'impression. En bas à droite, c'est le temps. Non, c'est pas le temps de la prison, c'est le temps entre les jams. Ok, super. J'avais un doute. Non, non, soit pas la prison, il y a 6 possibilités, 6 sièges à la prison, donc 30 secondes pour chacune. Ils ne peuvent pas afficher ça en plus sur le tableau. Ça ferait un tableau, c'est chargé. Déjà, qu'il y a beaucoup d'arbitres, beaucoup de taf. Exactement. 27 pour les Porcelain Dolls qui prennent leur avance face aux Valiant Beaches, les locales qui ont seulement 10 points. Pas mal de fautes du côté des Valiant Beaches. Bloody Roostek qui est en prison, donc c'est un power jam, un power start même pour Limoges. Mais ça défend bien, hein. Ça défend bien du côté des Valiant. Le power jam n'est pas consommé, on va dire. Ça y est, Lagen qui passe. C'était Lagen que je n'avais pas encore vu jouer ce week-end, en tout cas pas en tant que jammeuse. Voilà, j'imagine qu'elle change un peu les jammeuses pour un petit peu les économiser. Bloody Roostek, quant à elle, qui se fait recycler encore et encore. Et on est à 27-10 pour les Porcelain Dolls. Toujours 27-10, oui. Ça se resserre un peu. Lagen qui a le lead, mais qui n'arrive pas à marquer ses premiers points. Et un Star Pass du côté des Valiant Beaches. Un Star Pass qui a été donné à Vicious Nenette. Vicious Nenette qui se fait recycler loin derrière, cela dit. Et Vicious Nenette qui est en Power Jam, j'avais pas vu, mais Lagen est en prison. Allez, le Star Pass, c'est on passe le bonnet. Le bon étoilé à la pivot. Aïe aïe aïe. Et seulement à la pivot. Cette fois-ci, c'est Vicious Nenette qui tente des trucs et qui tente de passer par l'intérieur en sautant. Ça marche pas. Dommage. Et ça permet de passer à la pivot quand on est dans des situations délicates. Exactement, j'imagine. Exactement. Mais attention quasiment seulement quand on n'a pas le lead. Parce que si on fait ça, on perd automatiquement le lead. Si on l'avait, on le perd. Donc c'est généralement. C'est assez rare quand la joueuse a le lead. Ça peut arriver quand vraiment elle est bloquée très longtemps et qu'elle ne voit plus d'autres solutions, mais c'est assez rare. Pour l'instant, 0 points sur ce jam. Hein. Aucune des deux équipes n'a mis de points. Il a Rabiata contre Lagen. Bloody Roostek qui vient lui donner le prêter main forte. Et elle passe Lagen, 4 premiers points. Vicious Nenette. Yeah, Vicious Nenette qui rentre sur Il a Rabiata. Elle se gêne entre elles. Elle se gêne entre elles et Vicious Nenette qui a mis un gros coup à Il a Rabiata qui pourtant sa coéquipière. Un gros shoot. Je ne sais pas si tu l'as vu. Si. 4 points partout, l'écart reste le même, 31-14. Un début de match un peu difficile pour les Valiant, avec pas mal de prison, pas mal de power jam accordé aux adversaires. Alors tout à l'heure on parlait de la manière d'inscrire des points, et effectivement la jammeuse elle doit réaliser son initial pass, hein, c'est-à-dire dépasser toutes les bloqueuses adverses, mais elle peut aussi prendre un tour à la jammeuse adverse à partir de ce moment-là. Elle est aussi en capacité d'aller marquer des points. On l'oublie. C'est ça, mais elle n'aura pas pour autant la possibilité d'arrêter elle-même le jam. C'est toujours la première qui passe qui a le droit d'arrêter le jam. Cela dit, en faisant ça, elle pousse un peu son adversaire à le faire. Sinon, elle met des points et pas celle qui a le lead. Donc c'est un petit peu pousser son adversaire à le faire. Les deux jammers sont passés, mais Elastic Cam Devlin Beaches est passé juste avant. Je pense qu'elle va tenter de rentrer dans l'art et de faire appel. Et les deux jammeuses sont suivies des arbitres le bout du doigt. L'arbitre pointe son doigt sur la jammeuse. Ça vous permet de suivre aussi pour ceux qui sont ici présents. Exactement. 0 point pour les blanches en gris. C'est les Porcelain Dolls et Valiant Beaches ont mis 2 points. Voilà, elle resserre un petit peu l'écart à 15 points entre les deux équipes. Ça fait 10 minutes déjà que ça a commencé. J'ai l'impression que les Valiant se sont enfin entrés dans ce match. Il y a encore quelques fautes. On a encore Fridal Colo qui est en prison. C'est assez physique, hein. C'est un match intense, c'est bien. J'ai l'impression que ça va mieux pour les Valiant Beaches. Elles sont un petit peu ressaisies. Elles se restructurent, ouais. C'est ça. Les Porcelain Dolls sont toujours bien, je trouve aussi. Donc les niveaux commencent un petit peu plus à s'équilibrer. C'est parti pour. C'est les Porcelain Dolls qui prennent le lead. C'est stellaire pour les Porcelain Dolls. C'est la 223. Et derrière ce qu'il y a, je ne vois pas où, un recyclage effectivement de double pot. Allez, donc à chaque tour, elle va marquer des points puisqu'elle est devant. Aïe, aïe, aïe, double pot qui va en prison. Double pot qui va en prison et c'est encore un power jam accordé au Porcelain. Allez, la 223 qui passe. Et Nadmax cette fois-ci qui va en prison. Beaucoup de fautes encore des Valiant. Ça arrive souvent. Elle s'énerve un peu trop vite. Pendant ce temps, il y a des points hein, chez les Porcelain Dolls. Là. Le tripode se prépare à accueillir. Le tripode des Valiant se prépare à accueillir celle de Limoges. 4 points pour l'instant hein, pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Valiant. 8 points pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Valiant. Et le tripode, pour info, c'est les bloqueuses qui se mettent en forme de tripode. Donc en position de blocage futur. C'est ça, on a le retour de double pot qui revient sur le track. On est à 8-0 pour l'instant sur ce jam pour les Porcelain Dolls. Double pot, où est-ce qu'elle est? Elle est là, double pot qui galère, hein, qui pousse, mais ça ne passe pas. Stellaire qui vient de marquer, c'est le 12e point. Et retour en prison pour Frida Kahlo. En sachant qu'elle peut arrêter le jam quand elle le veut, mais absolument. Pour l'instant... Absolument. Eh ben, il continue, il mais, marque des points. Mais Double Pau vient de faire son passage initial, donc je pense que Stellaire va tenter quelque chose, un dernier petit point avant de faire appel. Et ça y est, voilà, elle fait appel avant voilà. Que Double Pau puisse engranger des points. On est à 12, peut-être un peu plus. 3 points de plus, on va être à 15. 15 à 0, ça y est, les Port Sandals prennent leur envol. On est à 30 points d'écart, 30 points en un seul jam. Pour l'instant, c'est pas possible. Il va falloir 2 ou 3 jams pour rattraper cet écart pour les Valiant Beaches. Mais vu comme c'est parti pour Sandals, sont partis pour creuser l'écart petit à petit. En tout cas, c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc la jameuse, pour ceux qui ne sont pas ici, des Porcelain Dolls a réussi à faire plusieurs tours pendant ce temps-là. Celle, la jameuse des Valiant Beaches, était toujours bloquée. Elle n'a pas réussi à passer le pack. Donc c'est les points étaient engrangés pour Porcelain Dolls, qui a décidé d'arrêter au moment où la jameuse des Valiant Beaches sortait. Pour accumuler les points aussi. Après 15 points, donc un assez beau jam. Allez, c'est reparti. Nous avons Sachin Furious du côté des Valiant Beaches contre la Gaine du côté Porcelain Dolls. La Gaine que je n'ai pas beaucoup vu jouer sur le match précédent, donc elle va être peut-être un peu plus fraîche que Sachin Furious qui a beaucoup donné hier soir. On va voir si ça va faire aussi la différence. Les Valiant Beaches ont décidé d'aligner les mêmes jammeuses que la veille. Cela dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de jammeuses qui sortent différentes du côté des Valiant que du côté des Porcelain Dolls. Donc ça tourne un peu plus aussi. Ça se fait recycler pas mal du côté des Porcelain Dolls, alors que ça stagne du côté des Valiant. Sachin Furious n'arrive pas à sortir du pack. Elle chute, elle se relève, elle repart. Est-ce qu'elle repart? Non, elle se fait recycler. Et ça y est, power jam pour les Valiant Beaches. La Gaine va en prison. Allez, on va essayer de voir si elles vont profiter de ce... Oh là là là là là, non, Sachin Furious est fatiguée, ce que tu vois, l'allure à laquelle elle repart derrière. C'est très très lent. Elle est très fatiguée, Sachin Furious. Allez, chute d'un arbitre. Ça va être difficile. Là, elles sont power jam, ça va être difficile d'en profiter, j'ai l'impression. Ça part de dans tous les sens. Et oui, ça passe, c'est pas mal. Il reste une dernière bloqueuse pour Sachin Furious, mais les autres bloqueuses sont réussies à revenir. Allez, ça sort. Ça y est, ça passe. Sachin Furious qui prend le lead, voilà, il reste seulement 25 secondes sur ce jam et retour de la jameuse de Limoges. Allez, la jameuse de Valiant qui va tenter de passer le pack. Où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Est-ce que ça fonctionne? Elle est là, ouais, là, ça, il y a une belle défense de Limoges, il y a une belle défense. Difficile pour Sachin Furious. Et voilà, et Sachin Furious se fait recycler loin derrière Limoges, c'est comment reculer pour faire perdre du temps à Sachin Furious. Elle joue bien, hein, Limoges, décidément. 46 à 16, toujours 30 points d'écart. Il y a eu apparemment 0 points, si 2 points. 2 points pour. C'est pour les Valiant, ça c'est oui. Ça, 2 points pour les Valiant Beaches, 0 pour les Porcelain Dolls. C'est pas grand chose, 2 points pour. C'est toujours un tour de marquer. C'est toujours ça, c'est un demi-tour de marquer. Un demi-tour. Mais sachant que c'était un power jam, c'est dommage qu'elles n'aient pas réussi à exploiter ce power jam pour engranger un peu plus de points. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de ce côté-là. On est à 46 à 18, ça fait 28 points d'écart. C'est ça. Ça fait quand même deux beaux jams à faire pour rattraper ce retard pour les Valiants. Tout est possible. Les Porcelain Dolls sont bien partis. Elles restent solides, les Porcelain Dolls. Les Valiants sont toujours un petit peu bourrine, je trouve. Elles sont quand même pas mal en prison. Au centre, on a, pour ceux qui ne sont pas présents, on a 7 arbitres, même 8. Il y a du monde. Enfin, en tout cas, 7 arbitres officiels avec les maillots, 2-3 personnes supplémentaires. Il y a quasiment 10. On a 10 personnes au centre qui sont là pour juger et pour aider, plus 3 autres assises près de l'écran. On c'est est quasiment une quinzaine, hein. C'est énorme. Je crois que c'est 13 sur les championnats. Je crois que c'est 13 en tout. On se rend pas 13 compte. Arbitres en et tout. Voilà, parce qu'il faut suivre chaque jammer, il faut suivre chaque bloc, il faut suivre les extérieurs, les intérieurs pour être sûr que chacun a son rôle, c'est ce qu'on voit. Les joueurs ne sortent pas. Il y a les arbitres de prison, les arbitres qui sont à l'affichage. Et ils sont pas tous à patins. Ah non. Allez, c'est reparti, on est sur 28 Allez, points d'écart. Ils sont dans la zone les d'engagement. Les Porcelain Dolls sont devant. Les Valiant Beaches qui sont pas mal, mais qui font encore un peu trop de fautes, qui sont encore un peu trop souvent en prison. D'ailleurs, elle démarre à 4 contre 5, puisqu'une des bloqueuses est en prison. On va voir qui c'est qui a passé. Elastica du côté des Valiant Beaches, Machine du côté des Porcelain Dolls. Et c'est Machine, elle peut encore passer. Nadmax qui essaie de la sortir. Et non, de justesse, Machine passe, elle prend le lead. Pour les Porcelain Dolls. Le lead chez les Porcelain Dolls, effectivement. Elastikam qui n'arrive pas à sortir. Il y a des protections qui volent dehors du track. Pack. Ça y est, Elastikam qui est sorti. Ça sort chez les Valiant aussi. Machine qui s'est fait recycler. Elle va essayer d'engranger des points. Peut-être qu'elle en a un ou deux déjà. Est-ce que. Aïe aïe aïe, et voilà ce que je disais. Une prison pour Elastikam. Elastikam qui va en prison, la jammeuse, donc on va partir sur un power jam du côté de Limoges. C'est dur, on dirait que les Porcelain Dolls sont très très très pointues sur les blocs. Je trouve qu'elles jouent plus proprement, les Porcelain Dolls, elles sont un peu plus calmes. Et du coup, on sent les Valiant qui veulent passer en force. C'est ça. Et c'est possible, mais c'est dur de le faire sans faute. C'est ça, et elles font pas mal de fautes, et surtout, elles font pas mal de fautes, mais c'est beaucoup les jammeuses quoi. Les jammeuses font pas mal de fautes, elles accordent beaucoup de power jam aux adversaires. Allez, c'est reparti, 49-18 pour les Porcelain Dolls. Voilà, Stellar qui met des gros bouchons. Ici au Pignata, en Anglette. Stellar qui passe, Stellar qui prend le lead. On est à 31 points d'écart entre les deux équipes. Stellar qui prend le lead alors qu'elle est en power jam. Ça y est, Elastikam se relève dans 10 secondes. Elle va de retour sur le track. Elle va essayer de passer le pack pour commencer à engranger les premiers points. Gasoline l'arrête, Adrenalise et l'arrivée l'arrête. Il y a une bonne défense des Valiant pour le moment. Adrenalise, il ne reste plus qu'Adrenalise pour l'arrêter. Ça continue dans les blocages. Retour de l'Elastikam qui se fait bien bloquer aussi. Hein. Oui, tout à fait. Retour de l'Elastikam. Deux joueuses des Porcelain Dolls de Limoges. C'est sorti par les Valiant pour les Valiant. Entre temps. C'est toujours Stellar qui a le lead, évidemment. Toujours 0 points. Et Elastikam. Elastikam, bien, très bien. Qui passe après une jolie esquive. 4 points pour les Van Beaches alors qu'elles n'ont pas le lead. Alors, est-ce que ça va continuer à engranger les points? Elle colle, on va voir. Elle colle, évidemment qu'elle colle pour finir à 4 partout. Et le call, c'est l'arbitre qui met les mains au niveau des hanches pour stopper. C'est la joueuse qui met les mains au niveau des hanches. Oui. Pour stopper. Exactement, 4 points partout, l'écart reste le même, 53 à 22, ça fait 31 points d'écart. Exactement. Ça stagne pour l'instant, ça ne bouge pas, les deux équipes sont plus ou moins du même niveau. Le problème c'est que les Porcelain Dolls avaient ce niveau-là avant les Van Beaches et donc elles ont réussi à prendre de l'avance. Il reste 12 minutes 44 au compteur. Il est 14h50. Est-ce qu'on va continuer à rester à stagner comme ça ou est-ce qu'une des deux équipes va finalement réussir à débloquer un peu la situation? Est-ce que les Porcelain Dolls vont s'envoler ou est-ce que c'est les Valiant Beaches qui vont réussir à réduire le score et à passer devant? On verra ça. 12 minutes 44, on est encore sur la première mi-temps. Hein. C'est l'avant-dernier match. Mais je trouve que la différence de points a surtout été marquée au début. Là, maintenant, depuis, j'ai l'impression, une bonne dizaine de minutes, ça se suit, ça monte de chaque côté. Ça stagne un peu des deux côtés. Ça se règle quand même. Voilà, c'est juste que les Porcelain Dolls ont été meilleurs au début. Elles sont parties très fort. Elles ont pris l'écart et depuis, les Valiant n'arrivent pas à les rattraper. Pour l'instant, ça stagne. Voilà, on est au Pignada Anglette, n'hésitez pas à venir, il reste encore ce match. Donc on est quoi? On est à peu près à la moitié de la première mi-temps, il reste la deuxième mi-temps. Ouais, et puis un dernier match après, ça sera Bayonne contre Pibrac, le dernier match du week-end et même le dernier match du championnat. Là on est sur l'avant-dernier, voilà, c'est reparti, les arbitres ont discuté entre elles et on repart. 53 pour les Porcelain Dolls, 22 pour les Valiant Beaches, il reste 12 minutes 44. Sur cette première mi-temps, ça s'échauffe dans les gradins. Hein. Je sais pas si ça s'entend, mais ouais. Ça s'échauffe même un peu trop, les arbitres leur demandent. Ah, c'est ça le signe que leur demande de se taire un peu. C'était timide le signe, elle a pas trop osé, mais elle l'a fait. Ouais, ouais, les arbitres ont du mal parfois à s'entendre. Ah, moi j'aime bien l'ambiance. Ah là là, très très jolie défense de la part des Porcelain Dolls. Oh là là. Bloody Roostek a failli sortir, mais elle s'est fait recycler au dernier moment. Incroyable. On lui accorde pourtant, sur le tableau, on lui accorde le lead. Je trouve ça étonnant. Et là, oui, apparemment, elle a le lead, elle s'est quand même fait recycler. Il n'y a pas de correctif chez les arbitres. Donc, l'air d'avoir pris le lead. Cela dit, il n'a toujours pas fait son premier passage, techniquement, hein, c'est pas là, elle est en train de batailler, mais ce sera pas pour marquer des points, ce sera simplement pour sortir la première fois. De l'autre côté, Rikiki n'arrive pas non plus. Et elle se fait recycler encore et encore. Est-ce que ça passe? Ça passe pas ni pour l'une ni pour l'autre. Bloody Roustek qui a priori elle se fait recycler loin derrière. Rikiki se fait aussi recycler. Ça fait combien? Ça fait plus d'une minute et aucune des deux n'est passée, même si étrangement c'est Bloody Roustek qui en a accordé le lead. Et Bloody Roustek se fait recycler encore. Ça commence à être compliqué pour les deux jammereuses. On peut pas dire que les joueuses ne sont pas investies. Ah non, là il y a une très très belle défense de deux côtés. C'est beau à voir. Recyclage loin derrière. Et ça y est. Star Pass, c'est Rikiki qui a passé son étoile à Maglefic, je crois. La numéro 10, des porcelaines. Voilà, et évidemment, Bloody Roustek décide d'arrêter le jam avant que son adversaire ne puisse marquer des points, parce qu'elle n'en avait aucun. Donc, 0 points partout. Un jam nul, un jam un peu long, en plus, qui a fatigué, je pense, pas mal les deux jammereuses. 53-22 toujours. Ça stagne pour l'instant. Aucune des équipes ne va accorder un point à l'autre. Il y a un petit coup de mou. Ça joue beaucoup à défense, quoi. Ça joue beaucoup à défense. 22 à 53. Alors, je crois qu'il y en a une demande sur le côté d'un arbitre qui voudrait que le public se calme. Voilà, entre les jams, normalement. Ah oui, quand ils annoncent. Ça demande le calme entre les jams pour pouvoir discuter, entre les arbitres, entre les joueuses, pour pouvoir parfois simplement entendre les coups de sifflet, parce que quand ça s'énerve dans les gradins, ça fait beaucoup de bruit. C'est quand même une énorme caisse de résonance, ce gymnase. Mais pour l'instant, ça stagne en tout cas. Il reste 10 minutes 44. Et pour l'instant, c'est mal engagé pour les Valiant Beaches. Hein. C'est assez mal engagé pour les Valiant Beaches qui ont 31 points de retard. Et ça fait un moment qu'ils ont 31 points de retard. Ouais. Ça fait maintenant, je dirais, 7-8 minutes facilement, ouais, 10 minutes. Que les écarts n'ont pas bougé, ouais. Allez. Double pot qui passe. Qui sort. Les Valiant Beaches, la jammeuse. Les deux sont sortis en même temps et c'est la gaine à qui on accorde le lead. Double pot qui est quand même devant. Est-ce que la gaine va faire appel pour éviter que double pot puisse mettre des points? Oui, effectivement. C'est ça la stratégie. Double pot qui pensait avoir le lead. Double pot pensait avoir le lead apparemment, parce qu'elle ne comprend pas comment ça puisse s'arrêter. Double pot n'avait pas le lead. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle est en train de discuter avec sa coach. Les persuadeurs d'avoir le lead. Peut-être que les Van Beaches vont faire appel. J'ai l'impression qu'Omali Chupita est en train de lui dire que non, effectivement, c'était pas le cas. Ouais, ouais. Les deux, c'est vrai que les deux sont passés en c'est même pas temps. Facile. Donc c'est pas facile à voir. Si les Valiant demandent peut-être qu'on va leur accorder. A priori non. Quelque donc chose. Ça sera le. Non. Parce que voilà, elles ont le droit à seulement 3 demandes sur tout le match. Donc d'accord. Attention à ne pas les gaspiller non plus. À 3 réclamations. Sachin Furious qui est pas loin de passer, mais Machine est derrière. Machine se fait recycler, mais le poneur. Et aïe, Sacha qui est connu pour être un petit peu trop agressive et qui va en prison. Machine a donc 30 secondes pour gagner ce lead. Heureusement pour les Valiant Beaches, ça défend très très bien. Vicious Nenette ne laisse pas passer Machine, mais elle se fait bloquer elle-même. Et ça passe pour Machine qui prend le lead. La 828 qu'on voit. Voilà, 10 secondes pour Sacha. Le bonnet étoile et l'arbitre qui suit du doigt. Et elle va essayer, Machine va c'est essayer de marquer ses 4 premiers points alors que Sacha est toujours. Allez, elle passe en dans prison. Le pack. Elle essaye, elle traverse le pack et ça sort. Ça passe. 4 points. Sacha Furious essaye, elle, de mettre son tout premier passage. Ah là là, elle se fait. Il y a du conflit, c'est en direct. Ah là, elle se fait recycler, Sacha. Les Limougeoises. Ça passe en force. Je trouve les Limougeoises défendent très très bien. Elles vont recycler très très loin derrière leur adversaire. Et 4 points, 8 points déjà pour Machine, pour Limoges. Allez, ça y est, Star Pass. Nénette, ça. Star Pass pour Vicious Nénette qui passe. Oh là là oh, là. Joli, là, c'est joli, du 828. Machine, là, Machine qui fait une très très belle esquive. 12 points sur ce jam. Ouais, c'est qui, énorme. Une très belle esquive de Machine sur Nadmax. Mais c'est tellement bien joué. 12 points. Et l'écart se creuse encore, on était à 31 points. Maintenant, combien ça va faire? Ben, ça va faire 43 points, si mes calculs sont bons. C'est vrai que la défense des porcelaines Dolls ça fait est efficace. Ça fait 40 points. Je sais peut-être pas calculer, c'est peut-être ça. Ou il y a eu des points ailleurs, peut-être. 65 à 25, 40 points d'écart. On arrive sur les 8 dernières minutes de cette première mi-temps. Les Valiant Beaches sont en difficulté face à Limoges. Voilà, on donnait au début du match un léger avantage au Valen Beaches qui était mieux classé, visiblement. Attention, ça peut ne pas suffire. Elastic Cam qui essaie de passer, mais non. Et les Valiant Beaches qui ont d'ailleurs une bloqueuse en prison encore. Allez, pour l'instant, ça stagne autour de la zone d'engagement et ça sort. Elastic Cam pour les Valiant Beaches qui passe à un moment que ça va plus vite, j'ai l'impression. Allez, la jameuse des Valiant est partie. Stellar, derrière. Ah, Stellar qui fait beaucoup de vrilles, mais qui malheureusement tombe. Derrière, Gasoline bloque la jameuse des Porcelain Dolls. Elastic Cam qui va essayer de mettre ses 4 premiers points. Alors, la jameuse des Valiant, est-ce qu'elle passe ? Ah, Nadmax, elle est rejetée. Nadmax qui va en prison et qui remplace sa coéquipière en prison. Elle est rejetée. Gasoline qui va en prison. Deux bloqueuses des Valiant Beaches en prison. Ça va donner ça un avantage pour Sandals. Mais les Valiant Beaches ont le lead et ont déjà mis 4 points. Stellar met 4 points maintenant, il me semble. Non, elle fait son passage initial. Elastic Cam qui a le temps d'engranger peut-être quelques points de plus avant... Avant de faire appel, bon, peut-être un point grand maximum. Non. C'est trop tard. Stellar passe. Et aimer ses 4 premiers points aussi. On est à 4 partout sur ce jam. Ah, il y a toujours le pack là-bas. Elastic Cam qui a l'air fatigué. Hein. Elastic Cam qui a l'air fatigué, qui ne voit pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Non mais. La défense de Valen Beaches est inexistante ou quoi? Elles sont toutes en prison, j'ai l'impression. Elles se relaient en prison. Depuis le début, hein, y a quand même beaucoup de prison. Duchesse qui sort de prison, qui repart 5 secondes après. C'est pareil, effectivement. Il y a eu pas mal de prison. Trop de prison pour les Van Beaches pour assurer une défense convenable. Et celle-là, c'est Porcelain Dolls. Mettre des points. Voilà, les Porcelain Dolls qui n'ont pas le lead et qui pourtant sont devant. 8 points pour les Porcelain Dolls, 4 seulement pour Elastic Cam. 42 Nadmax points maintenant. Qui va en prison. Et voilà, ça s'enchaîne chez les Valiant, les prisons. Il y a trop de fautes. 3 joueuses en prison. Je pense qu'il doit y avoir 5 joueuses différentes en prison, rien que sur ce jam-là. Et mais parce que la défense des Porcelain Dolls est efficace et que du coup les Valiant, elles forcent. Elles sont un peu trop agressives, elles font tout trop de fautes. C'est une stratégie aussi, mais là c'est. Ça ne marche pas. Là. Elles vont commencer le jam à 2 contre 5. Énorme désavantage. Je pense que l'écart va se recreuser encore. Évidemment, Machine passe très facilement et prend le lead sur ce jam. Évidemment. 77 à 32, ça commence à ressentir aussi pour les Valiant Beaches. Allez, ça sort enfin. Bloody Roostek qui sort, Machine n'a pas grand monde en face. Ça défend pas trop mal, mais elles sont que deux à défendre chez les Valiant Beaches, donc forcément Machine passe. Elle fait un boom track, elle met 4 points, elle fait appel avant que son adversaire ne puisse... elles-mêmes mettre des points. En même temps, elles ont quasiment 50 points d'avance. 81. Elles ont marqué 4 sur ce dernier jam. 81 à 32. Très très joli niveau de la part des Porcelain Dolls qui sont constantes. C'est propre. Hein. Voilà, elles font très quelques propre. Fautes évidemment, mais beaucoup moins que les Valiant qui non, j'ai l'impression. Ça reste très correct. J'ai l'impression que les Valiant jouent au relais en prison. Et donc voilà, elles donnent beaucoup d'avantages à leur adversaire finalement. De l'extérieur, elles paraissent plus structurées, les Porcelain Dolls et leur défense. Absolument. Et chez les jameuses, on dirait qu'il y a plus de réflexion. C'est ça, ça discute. Faut dire que c'est pas simple, c'est toujours plus facile de l'extérieur. Ouais, évidemment. Mais en tout cas, c'est assez net. La différence est assez nette sur ce match. Ouais. Ce jam. On va démarrer à 4 contre 4 sur ce jam. Deux bloqueuses en prison. Les équipes discutent, les joueuses discutent entre elles pour peut-être mettre en place une stratégie. Nous avons... Nous avons aussi la coach des Porcelain Dolls qui est là. Je crois que les coachs n'avaient pas le droit de dépasser leur zone, il me semblait. Peut-être que je me trompe, il y a du scotch en par terre pour délimiter leur zone. Oui, c'est étonnant parce que c'est resté du côté des Valiant Beaches, les coachs n'ont pas bougé. Les joueuses discutent entre elles, elles essayent de mettre en place une stratégie, j'ai l'impression. Ou en tout cas, elles essayent de voir leurs erreurs, de les appréhender et de ne plus les refaire. Et on vous rappelle qu'on est à 81-32 sur cet avant-dernier match. C'est ça, 49 points d'écart. 49 points d'écart, c'est assez conséquent, hein, surtout sur une première mi-temps. 4 minutes 30. Il reste 4 minutes 30 au timer pour finir la première mi-temps. D'Anglet contre les Porcelain Dolls de Limoges. Mmh. C'est un assez beau spectacle qu'on a là. Évidemment, personnellement, j'étais plus favorable aux Valiant. Les Valiant ne montrent pas leur meilleur visage. Elles ont bien mieux joué hier contre la Fibracose. Mais on peut féliciter les Porcelain Dolls, vraiment. C'est ça le problème parfois des Valiant. Elles jouent bien contre les, les bonnes équipes et elles jouent un peu moins bien contre les équipes sur lesquelles elles ont a priori statistiquement un ascendant. Ouais. C'est ce qui arrive peut-être un peu trop souvent avec les Valiantes et qui leur fait perdre bêtement des matchs. Est-ce sur qu'elles sur lesquelles se sont moins concentrées ou est-ce que les Porcelain Dolls avaient bien bossé avant de venir Indubitablement. Les deux peut-être. Indubitablement, les Porcelain Dolls font un très beau week-end. Hier, ils ont vraiment fait un très très beau week-end. Vois, donc c'est pas du hasard. Ils ont battu Saint-Marc. Du côté Porcelain Dolls, c'est pas du hasard en tout cas. Les Valiant Bitches manquent encore un petit peu de sang-froid, j'ai l'impression. C'est leur grand problème. 15e Jams, mon ami, 81 à 32 ici au gymnase de Pignada. Sachin Furious et la gaine qui se bousculent l'une l'autre. C'est passé. Et la gaine qui va en prison. Allez, Power Jam pour Sachin Furious qui passe. Sachin Furious qui, je rappelle, a le record du week-end. Du nombre de points inscrits en un seul jam avec 24 points. Des Valiant qui a le lead, qui prend le lead. Est-ce que Sachin Furious va réussir le même exploit? J'ai pas l'impression parce que là ça commence à. Ça défend bien du côté des Porcelain Dolls. Eh oui, la jameuse des Valiant qui est bloquée. Ça défend très bien, elle a certes le lead, mais elle ne passe pas. Ah, une fois du côté des Porcelain Dolls, une bloqueuse qui va en prison. Peut-être l'occasion pour Sacha de passer plus facilement. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de prison de leur côté. Et elle fait appel pour démarrer le jam suivant en power jam, j'imagine. Combien de points? Est-ce qu'elle a pu marquer quand même quelques points? Je ne vois pas l'arbitre des Valiantes. 2 points. 2 points pour les Valiantes. 3 points, pardon, pour les Valiantes Bitches. Ça faisait longtemps qu'elles n'ont pas marqué de points, les Valiantes Bitches. Hein. Allez, retour sur le line-up. C'est le 15e jam. On va avec le 16e, je pense. On va avec le 16e, oui, effectivement. 35 points, 81. Les Valiant Bitches loin derrière leurs adversaires de Limoges. Clairement. Elle démarre, cela dit, en power jam. Peut-être l'occasion d'inverser la tendance. Double pot qui fait face à la pivot des Porcelain Dolls qui font la technique de l'échapper. Elle roule très très vite pour empêcher double pot de marquer des points. Et ça fonctionne, puisqu'elles-mêmes n'ont pas de jameuse. Double pot, qu'est-ce qui se passe? Double pot qui va en prison? Ah bon, j'ai pas vu la faute de double pot, mais bon, les arbitres sont là pour ça. Double pot qui va en prison, qui accorde donc un power jam à Lagen et son équipe. Et la jameuse qui repasse des Porcelain Dolls. Elle passe facilement. Hein. Elle passe facilement. Alors même si, a priori, le match est déjà tracé, on espère voir une petite reprise. Les Van Bitches, ça ferait plaisir. On sait jamais. La mi-temps fait parfois beaucoup de mal, parfois beaucoup de bien aux Van Bitches, mais c'est rarement neutre pour elles. Ouais, là, il y a quand même un gap. Il hein. y a quand même un gap, effectivement. Quasiment 50 points entre les deux équipes. Gasoline qui bloque la jameuse des Porcelain Dolls. Elle était 4 et il y en a étaient 4 contre elle. Et elle ressort. Elle passe. 4 points. 4 premiers points pour la gaine. Double pot qui revient sur le track et qui va tenter de marquer. De marquer ses premiers points, il me semble, parce qu'elle a déjà fait son passage initial. Double pot, elle est. Elle passe. Elle passe pas encore. Voilà, il y a une très belle défense. J'allais dire que c'était un beau passage gênant. Elles sont revenues, hein, t'as vu? Voilà, là, il y a une très très belle défense de la part des Porcelain Dolls. Elle avait passé les deux tiers et les Porcelain Dolls sont remises devant. Et à deux, elles ont bloqué la jameuse des Valiant Bitches une nouvelle fois. Double pot qui arrive à passer assez facilement cette fois-ci et qui rattrape, qui rattrape son retard. 4 partout. Et non, 8 à 4. 8 à 4 pour le Porcelain Dolls, je crois. 8 à 4, tu dis oui. Ça va tomber. 16e jam. 8 partout, ça y est, 8 partout. Double pot qui arrive à passer un peu facilement. Ah non, peut-être que les points n'ont pas été. Et ça se resserre un peu, 85-43. Et c'est la fin de ce jam. Voilà, 8 points pour les Van Bitches, 4 pour les Porcelain Dolls. Je suis pas sûr parce qu'il me semble que Punch, l'arbitre des Porcelain Dolls. Ou des Valiant Bitches, je ne sais pas trop. Va voir le tableau de score. Il me semblait que les Porcelain Dolls avaient mis 4 points de plus, mais apparemment pas. 8 à 4. Voilà, 4 points de plus 16e jam. Pour resserrer l'écart entre les Valiant Bitches et les Porcelain Dolls. On y va. Bloody Roustek, qui est en power jam, j'allais dire. Non, c'est juste qu'il manquait le nom de machine sur le tableau. Allez, la jameuse des Valiant qui chute, bien bloquée par l'équipe adverse. Elle va retenter, elle repart derrière comme les règles l'imposent. Bloody Roustek et ses machines. Ces machines qui passent. Ça passe. Suivi très près par Bloody Roustek. Encore une fois, une jameuse des Porcelain en avant. Est-ce que Machine Bloody Roustek va essayer de mettre la pression à Machine pour que Machine soit obligée de faire appel. Ah, très joli Boudi Roustek qui passe assez discrètement en zigzagant et qui marque 4 points. Les Porcelain Dolls ne semblent. Si, est-ce qu'elles arrêtent le jam? Non, non, elles ne semblent pas décider d'arrêter le jam. C'est oh, j'ai dit, c'est un deuxième tour. Elles auraient dû arrêter le jam, elles ne l'ont pas fait. 8 points pour les Van Beaches, toujours 0 pour les Porcelain Dolls. Allez, on retrouve un peu plus d'équilibre là, on dirait, là, depuis 3-4 ouais, minutes. Ce tout dernier jam, ce dernier jam de cette. Tout à fait. De cette mi-temps, et c'est la fin de cette première mi-temps. Allez, la pause va durer. La pause va durer 15 minutes, on va se retrouver au bout de 10 petites minutes. Il y a quand même encore 30, un peu plus de 30 points, 34 points d'écart. C'était 50 il y a quelques minutes encore. Écoute, peut-être un renouveau un peu tard pour les Valiant Beaches. Et les gens ont le temps de revenir. Messieurs, mesdames, vous avez le temps de venir nous rejoindre. C'est ça, c'est ça. On va se retrouver en deuxième mi-temps. On va voir si les Valiant Beaches, ça leur fait du bien cette mi-temps. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parfois ça leur fait beaucoup de bien, parfois ça leur fait beaucoup de mal. C'est rarement neutre avec les Valiant Beaches. On va voir si elles se ressaisissent en deuxième mi-temps et si elles rattrapent. C'est un peu plus de 30 points d'écart. C'est tout à fait possible. Hein. Eh ben, c'est tout à fait jouable. Je te dis à tout à l'heure, Mathieu. Allez, à tout à l'heure. La musique à travers nos cultures. Et c'est reparti, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match que posent les Valiant Beaches d'Angleterre qui jouent à domicile contre les Porcelain Dolls de Limoges. Une première mi-temps très très bien partie pour Limoges qui accuse une avance de. Je sais pas si ça se dit qui accuse une avance, mais qui ont 40 points d'avance sur les Valiant Beaches et qui ont fait une première mi-temps, je dirais en demi-teinte, même en bas de teinte. En force, un petit peu en force à mon sens. Mais... Avec je pense un peu trop, même beaucoup trop de prison, beaucoup trop d'occasions laissées à leurs adversaires de marquer des points. Il y a eu beaucoup de power jam du côté de Limoges. C'était difficile pour les Valiant, en tout cas en première partie. C'est ça, et les Limoges qui ont une très très belle défense aussi, qui empêche les Valiant de passer. Les Valiant s'énervent et vont en prison. Et donc power jam souvent pour Limoges, en tout cas 40 points d'écart, c'est rattrapable par les Valiant Beaches. On va voir si ça va le faire ou si Limoges va encore un petit peu creuser l'écart et mettre les derniers clous au cercueil des Valiant. On va voir ce que ça va donner cette deuxième mi-temps. Souvent la mi-temps fait du bien, beaucoup de bien ou beaucoup de mal aux Valiant. Est-ce qu'elles vont se réveiller ces Valiant pour revenir au score? Je rappelle que... C'est encore possible, hein, 51-91, ça peut se coller. Hein. 40 points, c'est possible. Hein. On rappelle que les Valiant sont 4e au classement général et 6e pour Limoges. Donc statistiquement, les Valiant devraient être devant. C'est loin d'être le cas pour l'instant. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. On va commencer dans quelques secondes cette deuxième mi-temps. Je coupe la musique. 40 points d'écart entre les deux équipes, je rappelle, voilà, on est parti. Et ça démarre un power jam pour les Valiant. Alors là, voilà, peut-être là, l'occasion de redémarrer un peu plus proprement que tout à l'heure et d'inscrire pas mal de points, histoire de dire aux Limoges, ça y est, on est de retour. Une première mi-temps bien tonique et dynamique. Et ça a l'air pas trop mal parti. Pas trop mal parti. Et non, double pot qui se fait, qui a failli se faire... Elle sort. Oh mais là non, là oui. Là là là là là, incroyable ça. Elle se fait sortir directement double pot. Elle s'est faite recycler. J'ai l'impression qu'elle est pas d'accord. Hein. Je pense pas qu'elle soit d'accord, non, effectivement. Ouais. Je. Mais voilà. Elle est sortie. Elle s'est faite recycler et pourtant elle a continué. Je pense que c'est ça qu'on lui reproche. Entre temps, du coup, évidemment, la jameuse des Porcelain Dolls est sortie. C'est comme ça. De toute façon, on accepte les règles d'arbitrage. C'est comme ça. Donc power jam pour machine cette fois-ci pour les Porcelain Dolls. Ça commence mal pour les Valiant Beaches. C'est pas bon pour le mental. Elles avaient l'occasion oui, là de rattraper, de commencer bon à prendre le retard. Ça va pas être le cas. Psychologique, c'est pas bon. Au contraire, c'est machine qui fait son passage initial. Double pot. Va tenter de faire le sien. Allez, elle essaye de passer et ça fonctionne. Et ben voilà, double pot qui fait son passage initial alors que machine est en train d'inscrire ses 4 premiers points. Ça y est, je crois. Alors 4 pour les Porcelain, effectivement, je te confirme. Voilà, et elle fait appel derrière pour stopper. pour stopper effectivement. Et oui, pour éviter que les Valiant marquent aussi leurs points. On a un boom track, comme on appelle cette technique, c'est-à-dire qu'on passe une première fois pour prendre le lead, on passe une deuxième fois, on met 4 points et on arrête immédiatement le lead derrière, le jam, et 4 à 0 les Port Sandals. Pour ce premier jam de la deuxième mi-temps. Les Port Sandals qui enfoncent l'écart. Et Mali Chupita, qui est la coach des Valiant Beaches, qui demande une entrevue avec, avec les arbitres, pour discuter justement de cette prison pour double pole à Jameuse. Ouais, je pense qu'elles ne sont pas d'accord. Surtout que pour une reprise de deuxième mi-temps, si effectivement il n'y avait pas de changement, on resterait à 95-51. Ça serait effectivement pas un super début. Donc j'espère que ça va être corrigé. Sinon, je crois que ça part mal. Et comme on disait tout à l'heure, pour le mental, c'est pas le plus simple. Commencer à prendre une prison alors qu'ils étaient en power jam. Aïe, qu'elles auraient pu rattraper ce retard, évidemment pour le mental, c'est très très difficile. Donc je pense que c'est sur ce point-là que Mali Chupita lance une réclamation. On va voir si les arbitres l'acceptent ou pas. J'ai entendu pendant la mi-temps que les joueuses de Valiant se plaignaient que les joueuses ne soient pas assez sifflées. Ouais, tout à fait. Bon. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est vrai? Peut-être que c'est aussi sur ce point-là que Mali Chupita est allé réclamer justice. Moi, c'est vrai que j'essaye de pas trop rentrer dedans. Je regarde, je constate, je vois en tout cas qu'il y avait eu sur la première mi-temps une très belle défense des Port Sandals. Ça s'est vu. Absolument. Ça, c'est un fait. Beaucoup de fautes des Van Beaches. D'après elle, peut-être toutes méritées, mais pas assez, assez données à Limoges. Cela dit, quand s'énerve, les Van Beaches ont tendance à faire beaucoup de fautes. C'était comme ça le week-end précédent, il y a un mois et demi, contre Bayonne, où ils avaient fait aussi beaucoup de fautes, où ils se relayaient en prison comme aujourd'hui. On va voir ce que ça va changer sur cette deuxième mi-temps. Les arbitres discutent entre eux. Et on a une joueuse, une bloqueuse de chaque équipe qui est en prison. Donc on va commencer le prochain jam, a priori, en 4 contre 4. Et c'est une décision importante pour cette reprise de deuxième mi-temps, comme on vous dit. Effectivement, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Ah les gars, alors que sur le côté, on voit un échauffement, c'est ça Martin? Qui est-ce qui joue à la ferrage? Du match suivant. Hein, match suivant, il me semble que c'est Bayonne contre j'allais dire Pibrac, donc ça peut être Pibrac. Attends, je regarde. Allez, on les voit en tout cas, ils sont en train Voilà, c'est l'air Pibraqueuse de Pibrac contre les contre-amandichats de Bayonne. Donc c'est contre-amandichats de Bayonne qui sont en train de... Elles se préparent au blocage, là on les voit, elles s'étirent. C'est ça, elle s'étire. C'est important. Tu as vu le crabe, elle se met dos à dos. Elle c'est pousse. Ça s'appelle le crabe, merci. Ça s'appelle le crabe, je sais pas. Ça porte le crabe. Bien son nom, on va l'appeler le crabe. On va l'appeler le crabe, c'est très bien. Voilà, peut-être. Donc, ça sera le match suivant, ça sera à 16h45. Ce sera le tout dernier match du championnat. Et on aura les résultats seulement demain, voire mardi, le temps de faire tous les calculs nécessaires. Parce que, voilà, on rappelle qu'ici toute l'organisation est bénévole. Personne ici n'est professionnel, donc on leur laisse le temps évidemment de faire tous ces calculs qui sont parfois un peu longs et un peu fastidieux. Et pendant ce temps, la situation est toujours dans l'interrogative. Ouais, on a toujours les arbitres qui discutent. Ça veut quand même dire que c'est pas si facile parce que là, ils discutent depuis maintenant 2-3 minutes. Les arbitres, ils réfléchissent. On a un retour, ça y est, il y a un des arbitres qui vient donner sa réponse. Donc la situation n'était pas si claire que ça. Non, effectivement. Semble-t-il. Effectivement, c'était pas si clair que ça. On va voir ce que l'arbitre dit. Enfin, on va voir. Nous, on n'a pas de micro, donc on sait pas trop. Donc, ce on vous se rappelle dit. Que a priori, c'est sur l'histoire. Je pense. Du lead, de la prise de lead, des Valiant Beaches. De la prison, je pense. De double peau, qui est allée en prison et qui est vraiment. On la voyait énervée parce qu'elle n'a pas compris cette prison. Pour elle, elle devait pas y aller. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle est sortie. Voilà, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle se dit ah non, Mali Chupita s'énerve, je pense que ce... Non, je crois que c'est accordé au Port Sandals, hein. Ouais, au vu de la coach des Valiant Beaches, bon, eh ben, c'était bien tenté. Non, ça reste comme c'est, soit voilà. 95-51. Dommage pour les Valiant Beaches, 95-51, c'est ça, ça fait combien, 44 points d'écart? 44. Il reste un peu plus de 28 minutes sur ce match. Ça va être dur là, mais bon. Voilà, sur ce, on va voir si... Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait du beau jeu, de toute façon. C'est ça tout à qu'il fait, faut oui, là oui, maintenant. Oui. Absolument, on va voir est-ce que les Limogeoises vont maintenir le niveau qu'elles avaient tout à l'heure qui était un bon niveau. Est-ce que les Valiant Beaches vont essayer d'augmenter le leur, de faire moins de fautes, on espère. Au moins que chaque équipe effectivement fasse au maximum, que ce soit du beau jeu, et puis après c'est comme ça, hein, ça tourne, c'est une fois l'un, une fois l'autre, on le sait, c'est le sport. 95-51, j'imagine qu'on va pas tarder à reprendre. Allez, les arbitres discutent encore entre eux. Hein. Ça fait long, hein. C'est une pause assez longue. Ouais, mais ça fait plus de 5 minutes, hein, plus de 5 minutes 3-10, qu'on est en pause. Ouais. En plus, hein. Plus de 5 minutes qu'on est en pause déjà. Ouais, c'est beaucoup là. Voilà, les arbitres on continue à discuter entre eux. Je pense qu'il y a aussi des petits. Des petites remises au point. Allez, on repart sur la zone d'engagement. Et c'est voilà, Elasticam qui se fait recycler face à Stellaire. L'Elasticam qui se fait toujours recycler, Stellaire, je ne vois pas, elle est derrière, elle est sous-côté, elle se fait recycler. Allez, il y a une bonne défense des Valiant là. Ouais, je pense qu'elle n'a pas tardé à passer sur la 10 Stellaire. Et ça y est, elle passe. Et voilà, elle passe, la jameuse des Porcelain Dolls. Exactement, qui passe, suivi derrière d'assez près un petit quart de track par l'Elasticam. C'est ça, et encore Valiant, et encore, ça se recolle. Elle va essayer de lui mettre la pression, j'imagine. Donc les deux jameuses se suivent, on vous le rappelle. Voilà, elle rentre. Et c'est sifflé. Voilà, Stellaire qui en rentrant dans le tas, on va dire, fait le geste pour arrêter le jump. Ça va lui permettre de gagner un point ou deux peut-être. Et oui, elle a senti ou elle a vu, on ne sait pas, que la jameuse des Valiant collait juste derrière. Ouais, oui. Donc voilà, elle prend pas trop le risque, elle rentre dans le tas et elle colle parce que voilà, normalement, c'est le jump s'arrête au moment où le premier sifflet est sifflé et non pas. Quand le geste est fait. Donc il y a parfois une seconde d'écart entre les deux. Et une seconde, ça suffit parfois à mettre quelques points. À faire la différence. C'est pour ça que parfois il faut prendre un peu d'avance quand on fait le geste pour arrêter le jam. Un point accordé au Porcelain Dolls, 96-51. On va repartir. Personne en prison. Et nous avons, qu'est-ce que nous avons? Je n'arrive pas à voir derrière. Alors, les packs, c'est Sachaine Furious du côté des Valiant. Et je n'arrive pas à voir. Les joueuses se replacent. La joueuse, c'est la gain du côté des Porcelain Dolls. Alors, c'est reparti. Ah là là là là là là, ça bataille fort. Recyclage de la gain du côté des Porcelain Dolls. Ouais, je vous rappelle qu'il y a des obligations, on la voit, la jameuse Sachin qui repart Furious, en arrière. Sachin Furious qui prend le lead pour les Valiant Beaches. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris le lead comme ça. Et oui, la jameuse des Porcelain Dolls qui repart en espérant qui repart en arrière. Qu'il ne fasse pas d'erreur, hein, comme ça arrive un peu trop souvent sur ce match, qui ne l'enverra en prison. Derrière Stellaire. Sauf erreur de ma part, elle est toute seule, hein, la jameuse des Valiant. Ça y est. Voilà, la power jump pour les Valiant, Sachin Furious qui a déjà mis 4 points. Donc la jameuse des Porcelain Dolls en prison, la jameuse des Valiant est seule. C'est ça, elle continue, elle force malheureusement pas. Voilà. Allez, là c'est un coup à marquer des points, là, il faut y aller. Ses coéquipières viennent l'aider. Bah oui, Power Jam, c'est du pain béni. C'est compliqué, hein, mais c'est compliqué pour passer. Mais c'est pas simple. La défense, on est à 4-0 pour l'instant. Hein. On a 4-0. Une bonne défense des Porcelain Dolls. Et retour sur le track de la jameuse des Porcelain Dolls. La gaine, attention, elle. 30 secondes de prison, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, ça passe vite. Sacha, Sacha Furious qui a décidé de. Ça a été sifflé. De terminer le jam avant que. Son adversaire n'est plus mettre de points et 7-0 sur ce jam. 96 à 58. Ça recolle tout doucement. Tout doucement, vraiment tout doucement. Et 38 points d'écart encore. On est encore loin de faire peur à ces Porcelain Dolls. Elles ont encore de la marge. 25 minutes restant sur le compteur. C'est reparti. Bloody Rustic pour les Van Bichis. Machine pour les Porcelain Dolls. Qui va passer en premier? Alors la jameuse qui pareil. Se fait recycler. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi la jameuse repasse derrière? Là, on la voit qui repasse derrière le pack. C'est ça. À partir du moment où elle se fait sortir du track, à partir du moment où elle met un seul pied en dehors du terrain, elle doit repartir derrière toutes les joueuses qu'elle n'a pas encore dépassées. Et donc voilà. Les joueuses adverses, sachant ça, elles vont reculer pour faire perdre du temps à la jameuse. Et ça Jameuse sort qui est en prison. Des Valiant Beaches. Ah là là, Bloody Rustic est en prison. Machine qui a le lead en plus, hein, qui peut arrêter quand elle veut, qui va essayer de marquer des points. J'imagine derrière peut-être d'arrêter le jam pour pouvoir commencer le suivant en power jam, sachant qu'il n'y a qu'une seule joueuse des Valiant qui est en prison. aucune du côté des Porcelain Dolls. Allez, la jameuse des Porcelain Dolls qui a le temps de passer cette qui fois. Passe. Qui réussit, qui passe. Est-ce l'arbitre qui l'a suivi du doigt. Je pensais qu'elle allait qu'elle allait peut-être faire appel pour arrêter le jam et démarrer la 828. Elle décide de continuer. Machine. 4-0 sur ce jam. Elle passe par l'extérieur. Oui, elle passe. Oui. Aïe, Bloody Rooster qui est revenu sur le terrain. On a eu plusieurs tentatives hein, des Van Beaches pour stopper la jameuse, mais 8-0 pour l'instant. C'était 8-0 pour l'instant. L'échec. Une dernière tentative pour Machine de mettre quelques points. 12. Voilà, 12-0. Elle colle évidemment derrière puisque la jameuse des Valiant allait arriver. 12-0, ça fait mal. Ça fait très mal pour les Valiant. Et c'est très très bien joué de la part des Porcelain Dolls qui creusent encore l'écart. On est à 50 points d'écart. Ouais, ça s'est secoué sur ce jam encore un peu là. Les Van Beaches qui n'arrivent pas à reprendre du poil de la bête. C'est toujours ce passage en force, non, je trouve. Hein, vu de l'extérieur, on a vraiment cette impression de passage en force. Les Porcelain Dolls qui jouent très très bien, qui défendent très bien, mais qui arrivent aussi à passer. Et on va voir ce que ça donne. Les double pots face à Stellaire cette fois-ci. Double pot qui force. Allez, cinquième jam. Ça passe presque. Ça passe pour double pot qui prend le lead. Et ça passe pour les Valiant. Double pot prend le lead. Derrière, recyclage de Stellaire du côté Porcelain Dolls. Double pot qui va tenter de mettre ses 4 premiers points. Oula, oh là là, c'est. Il y a confrontation dans c'est bordélique, c'est bordélique. Allez, 4 points pour les Valiant Beaches. Toujours pas de premier passage pour les Porcelain Dolls. C'est un track agité. Ouais. Ah, est-ce que je viens de voir. Oui, c'est ça, Power Jam pour les Valiant Beaches. Prison des Porcelain Dolls pour les Porcelain Dolls. La jameuse est assise. Ça y est, alors 8 points pour les Valiant Beaches. Allez, c'est peut-être le moment d'essayer de changer cette dynamique, d'essayer de reprendre du poil de la bête, d'essayer de dire, de prouver aux Porcelain Dolls qu'elles aussi peuvent faire des gros scores. Double pot qui se fait recycler, elle continue. Allez, encore une. Oh là là, une très belle défense des Porcelain Dolls, vraiment. Décidément magnifique, qui défend vraiment. Très bien. La jameuse des Valiant qui parvient pas à passer, face à deux bloqueuses. Elle est deux face à deux bloqueuses des Porcelain Dolls, mais ça passe. Fini par passer après pas mal de temps. Non, stop, ça a été bloqué par l'arbitre. Elle part. Et double pot qui va en prison. Retour de Stellaire qui tente le star pass, qui se fait quand même compliqué là. Hein. Bien bloqué aussi par les Valiant Beaches. Compliqué, les arbitres. Nadmax qui recule pour obliger Stellaire à reculer à son tour. Ah, les arbitres qui signalent vraiment les fautes hein, chez Valiant, qui les souligne. On a Power Jam, je rappelle, pour les Porcelain Dolls, sachant que Double Pot avait le lead, comme elle est maintenant en prison. Elle a perdu le lead, donc plus personne n'a le lead. On va aller jusqu'au bout des 2 minutes, il reste 8 secondes seulement. On est à 8-0 hein, pour l'instant. Pour les Valiant Beaches, je pense qu'il y a quand même quelques points du côté des Porcelain Dolls. Eh oui, elles tiennent leur écart, hein, les Porcelain Dolls. C'est fini. Elles maintiennent l'écart. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sonne pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a eu un passage. Mais il y a eu 6 à 8 secondes. 12-0. 12, du moins 12 points marqués sur ce jam. J'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de temps à siffler quand même à la fin de ce jam. Le compteur marquait 6 secondes de plus que la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça tout à fait étrange. Alors voyons, est-ce qu'il y a des correctifs, quelque chose? Non, 108 points à 70. 108, 70 pour les Porcelain Dolls. 38 points d'écart. Vous voyez, finalement, on peut vite rattraper les. Les Valiant peuvent rattraper, mais peuvent on aussi. On est toujours sur cette quarantaine, quoi. Hein. Ouais, elles peuvent vite se carter. Oh, Sacha, très joli, Sacha. Oh, les deux jameuses, non. Défense. Non, c'était la jameuse avec la pivot, excusez-moi. Ah, là, on a la jameuse des Valiant qui signale à l'arbitre quelque chose, encore une fois. Elles sont pas d'accord. Ouais, mais c'est vrai que la défense des Porcelain Dolls était quand même assez éloignée de son pack. Je rappelle qu'elle n'a pas le droit de trop s'éloigner de ses autres coéquipières. Et elle était vraiment loin. Hein. Gasoline qui a tenté de bloquer la jameuse des Porcelain Dolls, ça n'a pas fonctionné. Sacha Furious qui essaye de faire ses 4 premiers points. Pendant ce temps, nous avons Rikiki qui va essayer, elle aussi, de marquer 4 points. Et Friedel Colo qui essaye de la bloquer, de la sortir, ça ne marche pas. Empêcher la jameuse des Porcelain de passer. Allez, c'est sifflé. Et voilà, fin du jam, Sacha Furious qui a décidé d'arrêter le jam une fois qu'il était à terre. Fin du sixième jam de cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a eu des points? 3 points pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Valiant Beaches. 4 points pour les Valiant Beaches. Ah, 4 et 3. 111 à 74. On maintient toujours cet écart d'une quarantaine, hein, d'une bonne quarantaine de points qui s'est creusé dès le début de la première mi-temps pour ceux qui nous ont suivis, surtout le début. Surtout le début, mais ensuite, quand même, les Portland Dolls, petit à petit, ont encore agrandi cet écart. Ouais, elles grappillent. Hein. C'est ça, petit à petit, mais bon, elles sont devant, alors petit à petit, c'est largement suffisant. 111 pour les Porcelain Dolls de Limoges, 74 pour les Valiant Beaches. Les arbitres se concertent entre elles. C'est vrai qu'il y a quand même des choses étranges dans cet arbitrage. La fin de ce jam 6 secondes après le 0. C'est vrai que c'est assez bizarre. Les Valiant Beaches qui vont commencer à 5 alors que les Porcelain Dolls ont leur pivot en prison. On a un arbitre qui va voir les coachs des deux équipes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. On appelle Adrénalise pour qui est la capitaine de Valiant Beaches. Est-ce que c'est pas encore cette histoire de prison de tout à l'heure? Je pense pas. Non, je pense pas que c'est encore quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à dire d'ici, on ne peut pas trop savoir sur quel sujet exactement il y a débat. Tout ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a 111 pour les Porcelain Dolls, 74 pour les Valiant Beaches, et qu'il reste 19 minutes et 45 secondes sur ce match. Ce sixième jam donc, qui est à l'arrêt. Le compteur tourne. Hein. L'arbitrage... L'arbitrage, je ne sais pas, il y a beaucoup de temps de réflexion du côté de l'arbitrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a une bonne ambiance du côté des équipes. Ça danse, ouais, ça a l'air, ça danse a l'air du côté des Portland Dolls, ça danse du côté des Valiant Beaches. Tant que l'ambiance est là, tout va bien. Allez, c'est le deuxième gros temps d'arrêt. Celui-ci a l'air réglé. Est-ce qu'on est reparti? J'ai l'impression que oui. Elles se remettent dans la zone d'engagement. Moi, il me semble que c'est reparti. Ouais, je dirais Elastic Cam contre Machine. 4 contre 5, léger avantage des Valiant Beaches. Allez, 111-74 pour les Porcelain Dolls. Elastic Cam qui essaye de se frayer un passage tandis que Machine se fait recycler. Ouh là là, Elastic Cam se fait recycler loin derrière. On a la jameuse qui repasse derrière. Du coup, tout le pack, c'est une perte de temps. Évidemment. Ouais. Ça se passe bien. Les deux défenses sont au point. Et c'est pas ça passe pour les Valiant Beaches. Non, pour. Pardon, j'allais dire ça passe pour les Porcelain Dolls, mais je voulais dire les Valiant qui avaient l'air de faire appel. Voilà, on a une bloqueuse des Valiant qui va en prison. Elastikam qui essaye de faire son passage initial. Ça va vite. Qui ne marche pas derrière Machine qui essaye de mettre ses 4 premiers points. Elastikam qui passe pas. Hein. Ouais, toujours pas de points. Sur ce septième jam. Beaucoup de prison. Deux joueuses de Limoges en prison. Ça y est, Elastikam qui a enfin réussi à sortir du pack. Tandis que Machine met... Oh, très jolie Machine qui a failli mettre ses 4 premiers points. Heureusement, Nodmax l'a sortie et la recycle loin derrière. Vraiment, c'était à pas grand-chose. Oui, Nodmax y est intervenu pour que la jameuse des porcelaines s'arrête. Les Valiant Beaches en 4 points. Machine qui a le lead, Anna 0, n'en a pas. Allez, 4 points pour les Valiant Beaches sur ce 7ème jam, 4 partout même. 4 partout, une légère avance des Valiant Beaches. 8 à 4 je crois, hein, ou c'est ça, 8 à 4. Allez, on sent même l'excitation là, hein. J'ai l'impression que ça... Elastikam qui est tombé et qui se fait recycler très très très loin derrière, presque... Oui, un demi-track derrière. On sent qu'il y a de la volonté. 8 à 4 pour l'instant. On rappelle que c'est Machine qui a 4 points, qui a le lead, et que les Valiant Beaches qui n'ont pas le lead sont à 8 points. Et Machine ne siffle toujours pas la fin. Hein. Elastikam se fait recycler encore. Et c'est la fin du jam. Je pense qu'on allait jusqu'au bout des 2 minutes. Et donc, combien? 8 à 4. Je crois que ça va faire 11 et combien pour les Porcelain Dolls? 3 points de plus, donc 11 à 7, 4 points de réduction d'écart pour les Valiant, 118 à 85. Il reste 17 minutes 30 Mais bon, voilà, l'écart se maintient quand même pas mal. Il y a une, 43, une toujours très légère, très légère remontée des Valiants, j'ai l'impression. 33, non 33, pardon. 33, une très légère remontée des Valiants, mais pas encore suffisant pour attraper cet écart. Et les arbitres qui discutent encore entre eux. Qu'est-ce qui se passe dans cet arbitrage? Décidément, ça n'arrête pas. Nous avons une joueuse des Porcelain Dolls de Limoges qui est en prison, une bloqueuse. Pour être précis, Limoges qui est devant de 33 points. Il reste 17 minutes 30. Sur ce septième jam de la deuxième mi-temps. Alors on rappelle aussi que les Valemichis sont à domicile et on l'entend dans les radins que la plupart du public est acquis à leur cause. Valemichis 85. 118 pour les Porcelain Dolls. Il reste 17 minutes 30 sur le match. Et ça continue de discuter, évidemment, les arbitres. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans cet arbitrage, mais il y a quand même beaucoup de débats. Mais parce qu'on a de l'action sur le track, hein. C'est toujours la même histoire. C'est que quand il y a de l'action, et ben forcément, on vient frôler les règles. Très là, ça a l'air compliqué. On va voir si... pour l'instant, en tout cas, les Porcelain Dolls se maintiennent. Hein, les deux équipes se maintiennent plus ou moins au même niveau. Les Porcelain Dolls ayant de l'avance. Pour l'instant, elles n'ont pas de raison de tenter beaucoup de choses non plus. Puisqu'elles ont une avance assez confortable pour ne pas trop s'en faire pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. On est sur le troisième arrêt. Troisième gros arrêt. Ouais, alors seulement, même pas 15 minutes. C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Les arbitres vont voir même les touches, vont voir les arbitres de prison pour compter tout ça, quoi. Il y a des imbroglios, j'ai l'impression, quand même. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance sur le track, ça c'est agréable. Ça discute, entre les équipes, ça discute, voilà, les unes avec les autres. Nous avons Vicious et Net qui taille la bavette avec ses adversaires. Ouais. Bon, elles doivent se connaître hein, maintenant, depuis des années. Je pense que depuis le temps, oui, elles commencent à se connaître. Bon, Limoges, en tout cas, qui fait un très beau week-end. Hein, hier, qui a battu le SAM avec 35 points d'avance, il me semble, en tout cas, autour de 35 points. Ce qui était une vraie belle performance. Et là, elles sont en train de faire la même chose avec les Valiant Beaches. Allez, ça serait bien que ça se reprenne. Ce qui je me demande, c'est si les Porcelain Dolls gagnent, à quel point est-ce qu'elles vont monter dans le classement. Je rappelle qu'elles étaient 6e jusque là, mais 6e avance le week-end, mais avec une victoire sur le SAM plus une victoire éventuellement sur les Valiants, c'est parti, 8e, ça pourrait les faire remonter pas mal. Chute de Bouldi Roustek qui se relève, qui continue à lutter. Stellar qui continue elle aussi. Bouldi Roustek qui se fait recycler à l'arrière, loin derrière. Oh, Bouldi Roustek qui met des grands-pères. Ça y est, elle passe en force et elle passe. Bloody Roustek qui prend le lead pour les Valiant Beaches. Maintenant, allez, derrière ça suit un faux star pass. Ça suit pour les Porcelain Dolls qui a le bonnet, qui a la main, elle va le mettre sur sa tête pour signaler qu'il y a désormais le lead. Stellar, voilà, 4 points pour les Bloody. Et elle colle, voilà, Bloody Roustek qui fait un boom track, c'est-à-dire qu'elle prend le lead, qu'elle met 4 points et qu'elle colle aussi sec. Elle assure les 4 points. De toute façon, son adversaire n'allait pas tarder à la rattraper. 118 à 89. Il reste un peu plus de 16 minutes au compteur. Les Valemichis réduisent doucement l'écart. Très très doucement. Néanmoins, elles le réduisent quand même. Attends, ça s'échauffe. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont lancé le jam avant que toutes les joueuses soient sur le track. Qu'est-ce qui se passe? Décidément, il y a des imbroglios dans cet arbitrage. Alors que Sacha and Furious se balade tranquillement. On peut noter que les Valiant Beaches font beaucoup moins de prison hein, depuis un petit moment. Ouais, on aurait pu les compter. On voit plus les Limougeoises en prison à présent. Ça y est, peut-être qu'elles se sont enfin rendues compte qu'elles étaient un peu trop bourrines. Les Valiant. En tout cas, nous avons Sacha qui regarde son public tranquillement. Qui flâne. Et encore un quatrième temps d'arrêt. Mais... important. Ah là, je suis curieux de savoir ce qui se passe avec cet arbitrage. Il me semble pas, tout au long de cette saison, avoir vu autant de postes de la part des arbitres. 4 fois, on me dit 3 fois, mais c'est 4 fois, je crois. Hein. Je crois que c'est la 4e fois sur cette mi-temps. Depuis le tout début. Sur cette mi-temps, en tout cas, c'est peut-être la 3e fois, effectivement. Qui a une longue pause comme ça. Et puis ici, malheureusement, on n'entend pas trop le fameux. C'est ça, malheureusement, on n'a pas encore tout l'équipement nécessaire pour équiper tous les arbitres, deux micros sans fil, etc. On le saura tout à l'heure. Si on peut avoir les infos, on vous les donnera au prochain match, savoir ce qui s'est passé sur ces 4 temps d'arrêt importants. C'est ça. On voit sur le côté, sur le côté là-bas les Bayonnaises qui se préparent et qui font des phases de jeu, mais sans patin. Voilà, qui se bousculent les unes les autres avec des bloqueuses, des bloqueuses et une jameuse, mais le tout sans patin pour, je pense, plus voir la posture des joueuses plutôt que l'équilibre. Ouais, elles s'échauffent, regarde, elles sont en tripode, elles font le tripode, elles se poussent. Je pense qu'elles sont en train de mettre peut-être en place des stratégies de positionnement pour le match qui va arriver, qui va les opposer à... Ah, j'ai déjà oublié. Attends, je vais regarder. Voilà, Warpy Brakeuz qui est l'équipe numéro 2 sur, au classement. De où de Pibrac. Ok. De Pibrac, c'est une petite ville à côté de Toulouse. Aux alentours de Toulouse, en tout cas. Je dis à côté, peut-être pas tout à côté, mais plutôt par là-bas, quoi. Ah, c'est chaud dans les tribunes. On est en mode les chauffe, équipes. Ça se chauffe. Il reste 16 minutes et 15 secondes sur ce match. Ça va reprendre puisqu'on est allé voir les arbitres. Il y a une communication. Qu'est-ce pour signaler quelque chose. 118 pour les Porcelain Dolls, 89 pour les Valiant Beaches. Ça fait combien ça? 29 points d'écart. 1, 2, c'est ça, hein. C'est ça. 29 points d'écart. C'est rattrapable pour les Valiant Beaches, mais bon, les Porcelain Dolls se maintiennent. Allez, c'est reparti. Se maintiennent leur niveau de jeu. Vite, comme voilà. D'habitude. Sachin Furious qui à chaque fois est vraiment pas loin de passer passer et qui finit par se faire avoir par. Allez, ça va passer, la Jameuse des Valiant, la numéro 7. Non, on a Maglefic qui... Eh ben, elle passe. Et là, le lead. Maglefic qui bloquait bien et qui a permis à Machine de rattraper les deux. Sachin Furious. Elles se suivent, hein, les deux Jameuses, là. Hein. Ouais, et Machine qui est passée devant Sachin Furious et qui l'oblige à arrêter le Jam. Elles étaient à quoi 2-3 mètres, hein, l'une de l'autre. Ouais, ouais, mais celle qui n'avait pas le lead était devant celle qui avait le lead, forçant l'autre à ne pas prendre de risques et arrêter ce Jam. Parce qu'en fait, il suffit de rentrer dans le tas pour mettre un point ou deux. Et c'est déjà trop pour les Valiant Beaches qui sont derrière de 30 points, hein, je rappelle. Ouais, à ce moment du match. Ah, alors que ça demande du côté des Valiant une pause, je pense. Non, du côté de Limoges. Du côté de Limoges. Pardon, encore une pause? Non. Ouais, une pause du côté de Limoges, effectivement. Décidément. Eh ben, décidément. Ce match, il est disputé. Exceptionnellement. Limoges voit l'occasion de battre les Valiant et de certainement remonter dans le classement après avoir battu le Sam. Les Valiant Beaches voient arriver avec peur la défaite qui les ferait peut-être descendre dans le classement. Et ça, elles n'en ont pas envie parce qu'elles ont quand même fait une plutôt belle saison. Il y a du recours, hein. Il y a des recours là. Ça enchaîne les recours. On est sur le cinquième temps d'arrêt. Au minimum, en tout cas. On rappelle que chaque équipe a droit à demander des explications 3 fois seulement dans le match. Bon, c'est la deuxième fois pour les Porcelain Dolls. Les Valiant Beaches l'ont fait une fois. Et évidemment, les arbitres peuvent le faire autant qu'ils le veulent et aussi longtemps qu'ils le veulent. Pour ce 9e jam de la deuxième mi-temps, voilà. 118-89 pour les Porcelain Dolls. Presque un petit 30 points. C'est ça, ça stagne. Hein. Bon, on est passé de 40 à 30 points. On est passé de 40 à 30, mais bon, si on passe de 40 à 30 toutes les 10 minutes, ça va pas suffire. Hein. Non. Ah, elle se repositionne dans la zone d'engagement. Tout le monde se place. Les Porcelain Dolls qui font un beau match. Si vraiment, si elles arrivent à gagner, elles ont fait deux très belles victoires face aux Valiant Beaches et aux Sam. Les Jameuses sont derrière, on les reconnaît. On vous le rappelle avec l'étoile sur le casque. Elles sont derrière. Elles doivent passer les packs adverses. Allez, c'est parti. Double pot pour les Valiant Beaches, Machine pour les Porcelain Dolls. Ça bloque. Double pot passe. Et non, et c'est, ça sort, c'est Machine. Pour les Porcelain Dolls, Machine qui prend le lead. Allez, une nouvelle fois. Double pot. La Jameuse est loin. La Jameuse des Valiant Beaches est loin. Il y a quasiment un tour d'avance là. Il y a vraiment une super défense de la part des Porcelain Dolls. C'est assez incroyable. Oui, on peut le noter. Hein. C'est un mur infranchissable, vraiment. Et là, c'est pas une question d'arbitrage. Non. Et beau recyclage de double pot qui est obligé d'aller loin derrière. Allez, et ça sort. Et voilà, machine. Et machine bah, les premiers 4 points. Hein. Les premiers 4 points. Deux machines, double pot, et toujours pas sorti du pack. Ça tente un star pass avec Vicious Nenet. Mais ça ne marche pas. Non, elle essaie de passer la jameuse des Valiant, mais elle est bloquée. 4 points hein, déjà pour Machine, tandis que Double Pot tente simplement de faire son premier passage, celui qui ne donne pas de points. Elle semble fatiguée, Double Pot aussi. Elle souffle. Ça veut dire qu'ils sont quand même bien donnés. Elles sont des actions importantes. Il y a du mouvement, il y a du physique. On rappelle que c'est le deuxième match de chaque équipe ce week-end. Donc il y a la fatigue des matchs de la veille. Ça va coller peut-être parce qu'on est à quoi 8 points de marqué pour les Porcelain Dolls. On va voir. Elle a l'air de prendre son temps là, tranquille. Ouais, elle a le temps. Mais sachant que Double Pot n'a toujours pas fait son passage initial. Donc elle va y aller, elle va continuer. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Pour l'instant, il n'y a effectivement aucun risque. Voilà, ça y est, elle est passée. Maintenant, il commence à y avoir un risque. Elle va encore tenter un petit peu de marquer quelques points. Et je pense qu'elle va arrêter le jam derrière. Ça y est. Mais tu vois, c'est fait. Elle prend le temps. Elle n'était pas encore complètement passée. Elle avait encore un peu de temps, mais elle a préféré ne pas prendre ce risque-là. Elles sont devant, elles n'ont aucun intérêt à prendre de risques, sachant que là, elle a mis 11 points en plus. Bon. 11 points, ça creuse bien l'écart. On est à 40 points d'écart. Hein. Oui, pour un jam, pour ce dixième jam. 40 points d'écart. Il reste 13 minutes et 10 secondes. On aura maintenu ces 40 mal engagé, points. C'est mal engagé pour les Violent Beaches. Les Porcelain Dolls n'ont pas l'air de diminuer leur niveau de jeu. Elles auront maintenu les 40 points depuis maintenant 3 quarts d'heure. Il va falloir que les Violent Beaches augmentent leur niveau de jeu pour espérer gagner. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il faudra vraiment qu'elles explosent. Oh là là, très très grosse bataille entre la jameuse des Porcelain Dolls et Nadmax. David Max qui a réussi à et ça sort rares. Ça sort pour la jameuse des Porcelain Dolls qui prend le lead une nouvelle fois. C'est ça derrière Elasticam qui a du mal hein, qui a du mal à sortir du pack. Un 11e jam qui ressemble à ceux d'avant hein. Ben oui, à chaque fois voilà, c'est, elles ont du mal à prendre le lead. J'ai l'impression de voir le même déroulement jam sur jam. Ouais, elles ont beaucoup de mal à prendre le lead les Valiant. Ils ont même du mal simplement à sortir. Hein. Il y a une très belle défense de la part de Limoges. Limoges qui arrive plus facilement à sortir, plus facilement à marquer des points. Hein. Elles sont solides. La stratégie de Limoges est simple et très efficace. Elles misent beaucoup, beaucoup sur la défense et elles ont des bonnes jameuses. C'est Stellar pour l'instant qui a le lead du côté des Porcelain Dolls qui est en train d'essayer de mettre. Il y a trois joueuses à terre. Stellar qui essaye de mettre 4 premiers points. Et qui colle parce que côté Valiant Beaches c'était enfin sorti du pack. Il y avait de l'action juste devant nous. 2 hein. points pour les Porcelain Dolls, 0 pour les Valiant Beaches. Voilà, on creuse, on est un écart. Ah oui, 89, 131, 42 points. Ouais. On maintient toujours cet écart. 42 points d'écart, ça fait mal. C'est très très mal engagé pour les Valiant Beaches. Je ne les vois pas honnêtement remonter là, ça serait inattendu. À moins que d'un coup, pour je ne sais quelle raison, elles augmentent leur niveau de jeu. Je sais qu'elles en sont capables de jouer avec ça. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué. Elles ont un gros match dans les pattes. Hier, elles ont vraiment fait un très très bon match face aux Warpy Breakers. Oui, c'est ça. Hein, on peut pas et je pense que ça les a quand même pas mal. On ne peut pas toujours être au top. Et là, ça se ressent. Cela dit, Limoges est au top, a été au top hier et est au top aujourd'hui. Ah! La jameuse de Limoges qui va en prison. Oh là là, la jameuse de Limoges qui va en prison, mais suivie derrière par la jameuse d'Evan Beaches. Donc 0 égalité partout. Et tout le monde revient sur le track. Plus de lead pour qui que ce soit. On va faire les 2 minutes. On est à 0-0. C'est Rikiki contre Bloody Roostek. Rikiki passe et marque ses premiers points. Non, pas encore. Il fait son premier passage initial. Bloody Roostek ne l'a toujours pas fait, il me semble. Bloody Roostek qui galère face à la défense imperturbable des Porcelain Dolls. Dans ce 12e jam, 0-0. Tralala, ça ne veut pas. Ça passe pas. Hein. D'ailleurs, nous avons Nadmax face à Rikiki. On voit, hein, qui ne passe pas non plus Rikiki. Pourtant, Rikiki est une très bonne jammeruse, mais qui s'est peut-être un petit peu cramée. Allez, ça tente de sortir pour les Valiant. Faute des Valiant. Faute des Valiants, ça va en prison pour Blue de Roustek. Danemark est en prison aussi du côté des Valiants. Oh là là là là là là. Les bloqueuses des Valiants sont complètement éclatées. Oh, c'est compliqué, c'est très compliqué. Allez, recyclage de la part de Vicious Net sur la jameuse de Limoges. Il se fait recycler loin derrière. Non, elle est passée encore, hein, la jameuse des Porcelain Dolls. Hein. Ah. Qui va lui donner 4 points de plus juste avant que ça s'arrête. Elle est passée 8, très très vite. Hein. 8 à 0. Elle est passée très très vite. Elle est passée très vite, ouais. 8 à 0, 139-89, 50 points d'écart. 50 points d'écart, est-ce que je sais compter? C'est ça. 50 points d'écart. Ouais, j'ai l'impression que le moral est en train de descendre. 50 points d'écart. Aïe, aïe, aïe. Bichente, qu'est-ce que tu en penses, Bichente, qui vient d'arriver? 50 points d'écart, tu viens de découvrir le score. 50 points d'écart, les Valiant Bitches derrière. Qu'est-ce que... Ah, j'en ai marre. À chaque fois que je suis là, elle perd, de toute manière. Hier, Rayette. J'avais annoncé une victoire des Porcelain Dolls face aux... des Valiant Bitches face aux Porcelain Dolls et je me suis trompé. C'est assez rare. Apparemment, tu t'es pas encore trompé, hein, mais c'est vrai que c'est très très mal engagé pour les Valiant Bitches. Machine qui prend le lead a toujours à le sourire. En tout cas, ça recommence encore un jam qui ressemble au jam précédent sur ce 13e jam avec toujours un lead pour les Porcelain Dolls. Ouais. Ça ressort et ça marque des points. 4 points pour les Porcelain Dolls. Machine qui est tout sourire, qui est en train de kiffer. Bloody Roustek qui essaye de... Oh là là, Bloody Roustek qui essaye de passer mais qui chute et qui se fait rattraper par les bloqueuses adverses. On peut dire que les Porcelain Dolls auraient été très régulières sur ce match. Qu'est-ce que tu en dis? Ils n'auront rien lâché, ces Porcelain Dolls. Quelle lâché. Régularité. Bloody Roustek va en prison à nouveau. Quelle régularité en tout cas. Elles font le même match que face au Sambé hier, ce qui est un exploit en soi, parce que tenir ce niveau sur deux matchs, deux jours d'affilée, c'est déjà un exploit en soi. Et là, elles sont en train de mettre une petite rouste aux Valiant Bitches comme elles l'ont fait hier. Oula, j'arrive plus à parler. Ressort encore, on est à 12 points pendant qu'on 12-0 pour parle Machine. Ouais. Et ça continue à marquer des points du côté des Porcelain Dolls avec une jameuse qui est efficace. Très très efficace, même Machine qui sort très facilement et qui s'extirpe très très facilement. Et oui, cette impression de facilité, effectivement, vu d'ici. Je suis d'accord, c'est assez étonnant. On a vraiment l'impression qu'il y a un gap entre les deux. Et pourtant, on a en face une équipe des Valiant Bitches qui a même prouvé qu'elle était capable de faire. Ah ben je le sais qu'elle est capable de le faire. On l'a vu encore hier face à Warpup Rakers, qu'elles ont sorti un énorme match. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus tant le cas. 13 points pour les Porcelain Dolls sur ce dernier jam, 0 pour les Valiant Bitches. On creuse encore l'écart, 152 à 89. Ça fait combien 63 points d'écart. Je pense qu'elles devront s'interroger, en tout cas, sur leur, sur leur match. Et je pense que c'est cramé. Je pense que c'est cramé pour les Valiants. En tout cas, bravo aux Porcelain Dolls pour ce deuxième match d'affilée assez énorme. On les avait pas vu venir. Et puis, elles sont beaucoup entraînées, ou en tout cas très très bien entraînées entre moi, ces j'ai deux vu, week-ends. En tout cas, je vais parler pour moi. J'ai vu une belle défense des Porcelain Dolls. J'ai vu aussi Lord Jameuse, très efficace. On a vu Machine qui était rapide. Rapide, qui passe le pack, qui nous a semblé passer le pack vraiment facilement. Encore une fois, c'est cette impression de facilité qui m'étonne. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est simple et efficace, quoi. C'est simple, efficace, il n'y a pas de grosse stratégie hyper élaborée, c'est méga simple, méga efficace. En face, les Valiant Bitches ont un peu plus de mal à passer ce pack qui est très bien formé. Et puis, c'est un peu plus décousu, j'ai l'impression, du côté des Valiant Bitches. Il y a un peu moins de cohésion, j'ai l'impression, sur le track en tout cas. J'ai aussi cette impression, comme si c'était moins structuré du côté des Valiant, pourtant qui ne débutent pas et qui sont, on vous le rappelle, à domicile. Ouais. Et qui sont quatrième, en tout cas au début de, avant le début de ce week-end, ils étaient quatrième au classement. Les Porcelain Dolls de Limoges étaient sixième. Aïe aïe aïe, mal tempo pour les Valiant Bitches qui sont en train de perdre face aux Porcelain Dolls. C'est pas encore fini, effectivement, 6 minutes 36, mais si la dynamique ne change pas, catégoriquement d'ici les prochaines minutes, voire les prochaines secondes, ça va être happé pour les Valiant Bitches. Pendant ce temps-là, c'est chaud dans les gradins, je sais pas si ça s'entend. Ça danse sur le track, les Valiant Bitches, bon esprit. Bon esprit, pourtant mené. De 152 à 89. Ouais, de 63 points. Je veux même plus compter. 52 plus 11, 63. On est d'accord, je veux même plus compter. 63 points. Ouais, elles se sont maintenues pendant longtemps entre 30 et 40 points d'écart. Et là, voilà, s'écroule. Les Vanden Betchies s'écroulent alors que les joueuses de Limoges continuent à être très très constantes. Eh oui, toujours très bien de jouer, donc ben voilà, il suffit de pas grand chose parfois, être constant, c'est peut-être le secret aussi d'une victoire. Il y a eu aussi beaucoup de jam hein, du côté des Porcelain-Dolls où ils ont marqué 11, 12, 13 points. Ça fait une différence. Absolument. On l'a pas eu du côté des Valiant. Absolument. On a eu des jams avec des points un peu plus bas. C'est rarement aller au-delà des 10 points. Et les Valiant ont beaucoup de mal à prendre le lead. Ils ont vraiment beaucoup de mal à prendre le lead. C'est sur ce côté-là, c'est les Porcelain Dolls qui dominent largement. Sur le match entier, généralement, c'est les Porcelain Dolls qui dominent. On va recommencer à 4 contre 4. Une bloqueuse de chaque équipe est en prison. 13ème jam. Comme il reste 6 minutes 36, c'est ça, je crois. Exactement, c'est ça, oui. Sur cette deuxième mi-temps, ici. 152 à 89. Le Pignada à Anglette. Ouais, il restera, je rappelle, un dernier match ce week-end après celui que nous sommes en train de commenter. Allez, c'est reparti. Sachin Furious d'un côté, Stellar de l'autre. 4 contre 4. Deux bloqueuses, une bloqueuse de chaque équipe en prison. Ça ne bouge plus du tout. Non. Alors, c'est vraiment, c'est statique. À l'arrêt. Quoi ? Ah ! Elle est sortie d'où ? Sacha qui va en prison. Je crois qu'elle était passée, non ? Non, elle repart en prison. Sachin Furious qui va en prison pour une faute que je n'ai pas vue. Et bah ça continue. Et, hein. Et Duchesse qui fait une très très belle défense face à Stellar. Évidemment, ça sera pas suffisant. En 1v1, c'est plus facile de sortir que l'inverse. Duchesse va en prison et elle dit au revoir. Je me demande si c'est pas sa 7ème prison ou. Elle a fait des grands gestes. 7ème prison déjà. Je sais pas. J'ai l'impression, j'ai vu un au revoir aussi, moi, un signe. Hein. Je pense pas, parce que si c'est la 7ème prison, quel intérêt d'aller en prison pour ensuite enlever ses patins, autant les enlever tout de suite. Ou alors c'est dans les règles. Parfois c'est un peu carré aussi les règles. Parfois il y a ce genre de choses. Mais j'ai pas pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le lead? Toujours Stellar. Toujours Stellar sur lead. Pas encore de points. Mais elle marque pas de points. Stellar, Sachin Furious derrière. Ah, Stellar qui va en prison. Sachin Furious qui est revenu sur le track était en prison, je rappelle. Hein. Donc les deux joueurs sont allés en prison. Aucun lead. On va aller jusqu'au bout de 2 minutes. Et Sachin Furious qui galère. Hein. À 14ème jam décousu. Ouais. Décousu. Elle n'arrive pas, hein, Sacha, à passer. J'ai pas l'impression que ses coéquipières arrivent à l'aider. Elles essayent, mais elles n'arrivent pas forcément. Voilà, il y a une très très belle défense. Là, ça stagne. Hein. C'est en train de se découdre un petit peu. Voilà, non, il y a très belle défense de la part de Limoges qui décidément est la jameuse de hein. La jameuse de Valienne qui repasse derrière. Donc, qui a été. C'est un mur. Qui doit refaire le tour. C'est un mur, le bloc des. Des Limougeoises. On a les packs qui ont pratiquement pas avancé. On est à quelques mètres hein, de la zone de départ. Qui se fait sortir par Flying Fuck. Flying Fuck qui va en prison, je crois. Non, pardon. C'est la fin du jam, tout simplement. Bon. Elle regagnait le banc. 4 minutes 23. On a enchaîné du blocage. 3.0 sur ce jam pour les Porcelain Dolls. Elle creuse encore l'écart 155 à 89. Ça fait très très mal pour les Valiant Bitches. Aïe aïe aïe, comme on dit chez nous. Ah là là. Bon, je crois que malheureusement c'est râpé. Hein. J'ai envie de dire pour. Là, ça va être pour les Valiant Bitches. Si je ne me trompe pas, 66 points en 4 minutes 10. À moins qu'elle nous sorte les plus gros jams qu'on ait vus de tout le championnat et plusieurs d'affilée. Mais j'y crois moyen. Record de jam. Vu ce qu'elles ont fait jusqu'ici, j'y crois quand même moyen. Je ne mettrai pas beaucoup de centimes dessus. On aurait été un peu plus tôt dans le match. Je t'aurais dit que tu étais mauvaise langue. Mais là, je crois qu'il va falloir qu'on se plie. 4 minutes 10. Et il y a eu du beau jeu du côté des Porcelain Dolls, encore une fois. Donc ça se souligne. Comme hier soir. Vraiment. Deux très beaux matchs d'affilée, franchement. Les Porcelain Dolls sont vraiment admirables, j'ai envie de dire, ce week-end. Allez, il y a du contact. 155 à 89, c'est reparti. Elasticam du côté VMC, Rikiki du côté des Porcelain Dolls. Ça se bouscule fort, ça bataille fort. Ça se bouscule. Nous avons deux joueuses des Valiant en prison. Et pas encore, c'est Elasticam. Ça sort du côté des Valiant Beaches. C'est Elasticam qui sort. Rikiki derrière qui s'est faite recycler. Rikiki qui a enlevé son bonnet étoilé pour un petit peu perturber les adversaires. Il est fatigué. Ouais, qui ne peut plus. Ah ouais, là, on le lit sur le visage. C'est compliqué. Elle a même fermé les yeux, elle a mis la tête en l'air, elle a fermé les yeux. Nadmax qui fait une belle défense. Ouh, elle abandonne. Je crois que Rikiki abandonne. Ouais, elle abandonne. C'est compliqué. C'est dire à l'intensité. C'est dire à l'intensité là. De l'autre côté, Elasticam. Où est-ce qu'elle est, Elasticam? Elle se fait recycler, Elasticam. Pas de points encore. Ça recule. Tout le monde recule. Nadmax qui parle à Rikiki, son adversaire, en rigolant. Eh ben, la jameuse des Porcelain qui passe encore, hein. Et ouais, qui est passé. Nenet n'a pas réussi à l'arrêter. Elasticam qui a le lead, mais qui n'arrive pas à marquer ses points. Ah, ça y est, 4 points pour Elasticam. Est-ce qu'elle colle? Elle colle, oui. Je trouve ça étonnant. Et ça colle. Je trouve ça étonnant qu'elle ne colle pas. En face, 0.4-0 pour les Valen Michelis sur ce jam. Ça réduit un petit peu le score, mais qui est de toute façon beaucoup trop grand. Ouais. 93. 55 plus 7. Ah, ça montre qu'il y a un petit peu de résistance quand même. 62 points d'écart. C'est beaucoup. Hein. C'est encore plus que Limoges contre le Samière. Bon, Limoges qui a été très très très constante tout au long des deux matchs que l'équipe a joué ce week-end. Et 2 minutes restantes sur ce deuxième mi-temps. Double pot qui sort rapidement du pack. C'est ça qu'on aimait vite, voir dès le début du match. Et voilà, là il y a de la vitesse. On l'a pas beaucoup vu ça depuis le début du match, sortir aussi facilement. Est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'elle va passer? Et non, elle est rejetée. Allez, c'est reparti. Double pot qui fait démarquer ses 4 premiers points, tandis que Machine n'est toujours pas sortie du pack pour la première fois. Double pot qui esquive. Non, oh là là, belle défense. 4 points pour double pot. Allez, ben voilà, double pot. Machine, ça, qu'on voulait voir. Ça y est, Machine qui est derrière, qui a fait son premier passage. Double pot, j'imagine qu'il va tenter de faire un gros passage avant de faire appel. On a deux joueuses de Valen Michelis qui sont sorties. Et qui est-ce que nous voyons arriver? C'est Duchesse que nous voyons arriver à côté de nous, qui a raccroché les patins. Et voilà, elle était bien fallout. Voilà, fallout, qu'est-ce que c'est? Au bout de 7 prisons, eh ben, on raccroche les patins, on les enlève. Ah, oui. Et on sort, Donc on avait du track. On avait, c'était bien ça. 7, c'est quand même beaucoup. Elle a bien fait. Un grand au revoir à tout le monde. Ça y est, Valen Michelis qui arrive à 100 points. 159 du côté Porcelain Dolls. Et il reste une petite minute. Ça sera bon. Malheureusement pour les Valen Michelis, elles n'auront pas confirmé leur position dominante au classement. Et un grand, grand bravo. Alors que ça chute pendant qu'on parle. En tout cas, personne ne lâche rien. Il y a encore beaucoup d'action. Bah, c'est la fin du championnat pour les deux. Donc là, on n'a plus grand chose à perdre. La fatigue, on et s'en ça fout. Et ça sort du côté des Porcelain Dolls, ça prend le lead. Effectivement, c'est Stellaire qui sort pour les Porcelain Dolls. Oula, oh là là là là, Sacha Furious qui se fait arrêter net. Elle repasse derrière, la jameuse de Valen Michelis, qui est obligée de refaire tout le tour. C'est ça, Stellaire qui engrange 4 points. Les Porcelain Dolls qui sont toutes levées pour assister à la victoire de leur équipe. Une très très belle victoire pour les Porcelain Dolls. 163 points à 100. Sacha Furious qui galère, hein, qui pousse, mais ça ne marche pas. Ah, la jameuse des Porcelain Dolls qui va en prison. On a un power jam du côté des Valen Michelis. Ça suffira évidemment pas. Et c'est la fin du match. On est arrivé à 0. Encore une minute sur ce jam-là. Ça va être le tout dernier. Eh oui. À la fin de ce jam, on arrête tout. Il n'y a pas de lead, donc ça va être fini dans exactement 53 secondes. Je peux déjà vous l'annoncer. Et Sacha Furious va essayer d'engranger quand même quelques points. Hein. Pour l'instant, c'est Stellaire qui en a 4. Sacha Furious qui galère à passer. Ça va être la dernière minute du championnat pour les deux équipes. Les Valiennes qui auront passé les 100 points, la barre des 100 points. Ouais. 32 secondes au compteur avant la fin de ce match. Stellaire qui repasse et qui... Elle passe. Non, elle passe pas finalement. Ouais, donc on aura cette... très très juste, mais Nadmax finalement sur... Sur le fil, il a réussi à la sortir. On aura un gros gap hein, sur ce résultat, sur ces résultats. Maintenant, on le sait. Oui. 15 secondes. On le sait. Ça continue à se battre jusqu'au bout. Ça va rien lâcher, histoire de... Là, c'est juste pour le jeu. De toute façon, les Porcelain Dolls sont déjà gagnés. Et Sacha Furious qui est épuisé. Allez, 2 secondes, 1 seconde, et c'est fini. Et c'est une énorme victoire pour les Porcelain Dolls. 163, 104, ah, a priori, on attend. Appliqué. Si, ils n'ont même pas ajouté les points, on va voir. On attend le score officiel, mais a priori, c'est ça pour l'instant. Une immense félicitation aux Porcelain Dolls qui ont fait de Limoges. Deux énormes matchs ce week-end. Bravo. qui ont battu deux équipes qui, dans les statistiques, étaient censées les battre. Le tout avec 35 points d'écart sur le premier match et combien ici 159 points d'écart ici. Voilà, les Valen Bichis qui n'étaient pas à la hauteur sur ce match malheureusement. Mais un grand félicitation aux Porcelain Dolls qui ont fait un dernier week-end de championnat absolument grandiose. Et oui, avec une belle défense. Elles peuvent vraiment être très très fières d'elles. Elles ont le niveau. Si elles continuent comme ça l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas de les voir remonter largement dans le haut du classement. De toute façon, je pense qu'à la fin de ce week-end, elles vont être remontées largement au moins à la 5e place, voire à la 4e. Et puis, si elles jouent comme ça, c'est mérité. Hein, absolument, c'est mérité. C'est absolument mérité pour les Porcelain Dolls. Qui ont vraiment très très très très bien joué. Et voilà. Oulala, pardon, excusez-moi, j'ai un peu. Je me suis trompé de bouton et j'ai explosé les oreilles de tout le monde. 163 à 104, 59 points d'avance. C'est le score officiel. Pour les Porcelain Dolls, un grand grand félicitations à cette équipe qui nous a montré qu'elle pouvait vraiment se hisser à la hauteur d'Evelyn Beaches, du Sam et être peut-être dans les trois premières. Les trois premières équipes, en tout cas, s'ils continuent comme ça l'année prochaine, ça sera sans aucun doute le cas. Bon, une constance qui fait que Bordeaux aussi. Bordeaux est une très bonne équipe parce que c'est une équipe déjà très forte, mais très très constante. Si les Porcelain Dolls continuent à jouer comme ça, ça ne m'étonnerait pas de les voir remonter les classements assez haut l'année prochaine. On verra ce que ça va donner en tout cas. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce petit match, JC? Écoute, il y avait du spectacle, moi j'ai trouvé ça bien. Vraisemblablement, chacun a fait de son mieux possible. L'équipe des Valiants s'est donné un maxi, on l'a vu, ça s'est traduit par des fautes, mais c'est aussi synonyme d'une grosse motivation. Elles n'ont rien lâché. Voilà, et un match très long, pas loin de 2 heures, dû aussi au fait que les arbitres ont souvent fait des pauses pour se concerter. Il y a eu des arbitrages assez difficiles. Je vois d'ailleurs l'arbitre principal secouer la tête en se disant peut-être que l'arbitrage n'était pas au niveau. Je ne sais pas si c'était le cas. En tout cas, beaucoup de time-out du côté de l'arbitrage. C'était assez étonnant. Moi, je vais vous laisser pour ce week-end. Prochain match avec toi, JC. Et, 16h45, je crois. 16h45, ça va, Bichente, 55. Voilà, si jamais il est déjà 16h20. Et je vous dis à tout à l'heure. Peut-être moi. Que ça va être un petit peu reporté vu le temps qu'a mis ce match à se dérouler. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes de nous suivre ici sur Radio Nos Cultures sur ce week-end de championnat de roller derby. C'était 3e. On aura les résultats généraux, je pense, demain dans la journée. Peut-être mardi si ça prend un peu plus de temps. Parce que voilà, je rappelle que tout le monde est bénévole, donc on leur laisse le temps aussi de travailler tout ça. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment un super championnat à suivre et je vous laisse en compagnie de JC et de Bichente pour le dernier match. Allez, salut tout le monde.